Dessous de scène, c'est fini pour aujourd'hui. Et effectivement, ils ont été surpris, toute l'équipe, parce que d'habitude, la transition entre Bulle de rêve et Dessous de scène est un truc absolument difficile et délicat, parce qu'on a toujours Moa qui est là à terminer un texte devant les micros avec sa guimbarde. On a Gilles qui surprend parfois certains invités qui arrivent en disant « Mais c'est l'homme que je voyais posé nu aux Beaux-Arts. » Evelyne qui sort tout doucement du studio et qui essaye de récupérer. Eh bien là, non. Et on a réussi en 30 secondes à remplir totalement le studio comme à l'accoutumée, parce que pour Bulle de rêve, les coulisses du cinéma d'animation, les personnages ne sont pas en 2D en celluloïde, mais ils sont en 3D et ils sont 8 aujourd'hui. On va découvrir ça. Je lance le générique et je cède la parole à Alexis. Par rapport à mon milieu d'où je viens, je pense pas qu'il y avait... C'était un milieu qui était spécialement orienté vers les arts. Mon père était un gérant de banque, ma mère était une institutrice. Par contre, j'ai vu beaucoup de films quand j'étais jeune, quand même, même si on n'avait pas le droit d'aller au cinéma. Il y avait plusieurs films qui étaient montrés le dimanche après-midi dans le sous-sol de l'église. Et j'ai vu certains films extraordinaires sans savoir exactement ce que c'était. J'ai découvert plus tard que c'était des films plus ou moins classiques que j'avais vus, un peu par accident. Et je me souviens absolument de ce moment-là comme étant décisif, dans le sens que je pense que j'ai constaté qu'au cinéma, il y avait des moments où est-ce que le cinéma était capable de représenter non seulement des choses qu'on voit, mais des choses qu'on imagine. Et même si l'animation est une sorte de famille annexe ou connexe à ça, le point de départ, l'intérêt pour les images qui bougent, on ferme les lumières, on regarde un film, ça m'a toujours fasciné. Donc ça met en effet Bulle de rêve, la voix que vous venez d'entendre, et celle de Jacques Drouin. Jacques Drouin vient de nous quitter il y a quelques jours, et donc on voulait en tout cas en ce début lui rendre hommage. J'aime beaucoup cette phrase de Jacques Drouin qui parle du cinéma et du bonheur. En plus là, au moment où on peut revenir de nouveau dans les salles de cinéma et de ce plaisir. C'est un extrait d'un documentaire de l'ONF qui s'appelle Jacques Drouin en relief, qui est en ligne, que vous pouvez voir sur le site de l'ONF, je vous le conseille. La musique qu'on a entendue est la musique d'Empreinte, son dernier film en 2004. Alors il est surtout connu pour l'écran d'épingle, un écran d'épingle qui parle l'ONF au début des années 70, le fameux écran d'épingle d'Alexeïev et Parker, et personne n'ose trop y toucher à cet écran d'épingle. Il y a un côté un peu mythique, c'est uniquement Alexeïev et Parker qui ont droit, et c'est un outil pour les deux. Et lui va s'essayer justement, comme il le dit, il va nous l'expliquer après, c'est pas le dessin, il vient pas de là, et même s'il a fait les Beaux-Arts, mais il va faire quelque chose qui s'appelle trois exercices sur l'écran d'épingle d'Alexeïev en 1974, qu'il va envoyer à Alexeïev, et c'est Norman McLaren qui lui a un peu donné l'envie de travailler là-dessus. Et de suite, c'est un outil qui le passionne, et on écoute un petit extrait, Nicolas, de Jacques Drouin qui parle de ça. La plupart des animateurs sont très sûrs par rapport à leur ligne, par rapport à leur tracé sur du papier, parce qu'en général, l'animation se fait beaucoup à partir du trait. Dans le cas de l'écran d'épingle, c'est pas tout à fait ça, c'est comme une sorte de masque qui peut bouger, de lumière qu'on peut transformer. C'est toute une autre façon de penser. Et moi, ça me convenait très bien. Puis en plus, ce que j'ai aimé tout de suite, c'est la suggestion de l'écran. Autrement dit, un petit accident devient quelque chose sur lequel on peut développer tout de suite. Alors, à l'heure où la post-prod hein, prend de plus en plus de place, l'écran d'épingle est un outil où l'accident, comme le dit Jacques Grand, a toute sa place. Alors, on verra, je vous présenterai nos invités. Peut-être que, justement, dans leur technique, il y a aussi cette place qu'on peut avoir à l'accident qui est de plus en plus, encore une fois, rare dans le monde de l'animation. C'est Florence Mihail elle-même hein, qui dit, c'est pas moi, qui dit qu'aujourd'hui, elle regarde absolument sur l'écran toutes les fautes, toutes les erreurs qu'elle... soi-disant erreur, qu'elle peut faire et qu'elle prend finalement plus de temps à vouloir les enlever, des choses que nous, animateurs, animatrices, nous ne remarquons évidemment jamais, voire rarement sur l'écran, que seuls les gens techniciens et techniciennes le remarquent. Je trouve ça intéressant parce que quand l'écran d'épingle est revenu en France, il y a un producteur dont je ne citerai pas le nom, qui est un producteur de prise de vue continue plutôt... connu, on lui parlait de l'écran d'épingle et il dit « Ah oui, c'est fascinant !» Et puis après, c'est bien parce qu'une fois qu'on a fait les images, ben, on peut prendre tout et puis retravailler ça à l'ordinateur. Et donc, évidemment, qu'il ne comprenait pas le plaisir juste du côté organique des choses. Je vais pas mentir, j'ai rencontré 2-3 fois Jacques Drouin, c'est pas quelqu'un que je connaissais bien, mais c'est un homme d'une grande gentillesse, d'une grande intelligence, qui était à l'écoute. C'est une vraie perte, parce que c'est quelqu'un qui, en plus, voulait de nouveau travailler, avait arrêté l'animation, mais voulait de nouveau travailler un petit peu. Il avait créé un petit écran d'épingle, avec des cure-dents, chez lui, il voulait retravailler un tout petit peu, et donc, on voulait un peu dédier cette émission à Jacques Drouin. On va le réécouter une dernière fois, expliquant, l'héritage qu'il laisse. On écoute Jacques Drouin. De connaissance, je peux dire que j'ai l'expérience de tous les films que j'avais fait précédemment, sauf que je me mettais dans des nouvelles conditions. Et d'une certaine façon, quand j'ai commencé ces tests-là autour de cette façon de clairer tout ça, je me sentais comme si j'étais en train de faire un premier film. Ça a été comme une sorte de renouveau pour moi. Ayant passé à travers cette expérience-là, j'ai l'impression que j'avais au moins transmis quelque chose d'autre qu'on peut faire avec ça. Et c'est une satisfaction autant pour moi qu'une sorte de référence pour la continuité de l'écran d'épingle aussi. Je veux dire, je pense qu'il y a ce côté-là qui a été encore peu exploité. Ce dont je suis le plus fier, je trouve quand même que je me suis renouvelé. Que j'ai pris des directions diverses un peu chaque fois, puis que ça a exploré différentes facettes de ce que j'avais le goût de faire. Je trouve que j'ai eu un héritage, puis je pense avoir donné quelque chose avec aussi. Donc voilà Jacques Drouin, j'espère qu'on pourra lui rendre peut-être un hommage un peu plus conséquent avec pourquoi pas Jean-Baptiste Guarnero, avec qui il a beaucoup travaillé pour la restauration de l'écran d'épingle. Franchement, je peux pas m'empêcher quand j'ai fait ce petit bout, il y a plein de textes très beaux. Marcel Jean a écrit un texte, Marco Dublo a écrit des textes. Dans le coffret DVD, il y a sur Jacques Drouin, donc qui a été fait par notamment l'ENF, mais qui est distribué aussi en France. Il y a des lettres, et il y a une lettre de Norman McLaren d'Alexandre Alexeïev à Norman McLaren. Je peux pas, ça n'a rien à voir avec Jacques Drouin. Enfin, ça a à voir, mais voilà, ça m'intéresse de vous l'aider par rapport à tout ce qu'on dit à Bulle de Rêve aussi chaque mois. Donc, la fin de la lettre, Alexeïev dit à McLaren, Jacques Drouin est certainement doué et son don convient à l'écran d'épingle. Il dit dans sa lettre qu'il espère avoir la commande du Filmboard, donc l'ONF, pour un vrai film. Nous souhaitons que cette possibilité lui soit donnée. Je crains qu'on lui demande de raconter une histoire. Ça m'arrive avec le nez et ça m'a beaucoup gêné. En rendre le film artificiel. Je pense que l'artiste doit faire ce dont il a envie, quand il en a envie, et je serais heureux si cette possibilité est donnée à Drouin. Il aurait ainsi la chance de faire un film poétique. Je me rappelle qu'il y a une tendance au film board d'exiger une histoire, en majuscule, et c'est écrit. J'espère que depuis 2 ans, la vue nouvelle qui demande des films sans sujet, donc littéraire, est devenue aussi évidente pour permettre à Drouin de faire un film moderne dans ce sens. Voilà, j'aime bien cette truc. Et de cette petite phrase d'Alexeïev. Allez, aujourd'hui, autour des micros de Bulle de Rêve et dans les studios de Radio Libertaire, déjà Nicolas Tisse et Antoine Lieber. Bonjour Nicolas et Antoine. Bonjour. Fidèle au poste, et on salue Marie-Pauline et Pascal qui sont pas encore à Strasbourg, mais bientôt, qui préparent un festival. Et on a deux jeunes réalisatrices et jeunes réalisateurs. Je m'étais promis de pas dire le nom jeune. Évidemment, je l'ai dit, j'ai pas pu faire autrement. Ah là là, c'est ça de vieillir. Donc, un réalisateur et une réalisatrice, Paul Mas. Bonjour Paul. Bonjour. Et Héloïse Ferlet. Bonjour Héloïse. Qui, donc, travaille dans cette technique qui s'appelle aujourd'hui, que les médias ont appelé la stop motion. Ça fait mieux. Même si, en effet, quand Nicolas disait 3D tout à l'heure, en effet, ils font de la 3D tout simplement. Alors évidemment, la 3D à la Peter Lord, hein, comme Peter Lord disait, il râlait quand le mot 3D est devenu un peu à la mode en disant mais on a fait de la 3D avant eux, pourquoi ils nous piquent notre technique et notre nom à nous. Donc ils vont nous expliquer un petit peu voilà leur travail. On va passer du temps avec les deux pour parler de leur travail et aussi un petit peu donc du volume. Et on a Marie de l'Apparent qu'on essaye de débaucher. Bonjour Marie. Bonjour. Voilà, depuis très longtemps, elle est déjà venue micro en tant qu'invitée. On essaie absolument de la débaucher pour qu'elle vienne dans l'équipe. Il y a plein de choses intéressantes à dire. Donc voilà, donc elle est là et on croise les doigts. On va changer un tout petit peu pour cette rentrée. On va vous parler, on va faire un peu de news. En début, on vous parle un petit peu des choses qui nous semblent intéressantes dans le monde de l'anime. Le Sommet des Dieux sort bientôt. Alors moi, je ne l'ai pas vu, mais Francis Gavel a dit que c'était bien. Alors, donc moi, je crois Francis Gavel. Si. Marie-Pauline avait dit que c'était moyen. Donc, qui tu crois entre quelqu'un de ton équipe et Francis Gavel? Ok. On avait dit qu'on dirait plus de méchanceté maintenant au micro. Je vois que tu commences, Nicolas. C'est bien parti. En plus, je voulais continuer parce que le Sommet des Dieux devait sortir le 29 septembre en même temps que La Traversée, qui est pourtant sur sa date depuis très longtemps. Donc, ce qui n'était pas terrible, surtout qu'on a déjà du mal à faire des entrées en salle pour la nation. Et ils ont déplacé leur date, mais avant, le 22. Comme ça, ils sont sûrs. Comme ça, s'ils ont le monde, au moins, ils pourront avoir La Traversée, parce qu'évidemment, les gens n'iront pas voir La Traversée pour avoir le Sommet des Dieux. Donc, c'est tiré Taniguchi. Donc, moi, j'y crois. Enfin, on verra bien. Toi, tu l'as pas vu, Nicolas. Bon, on en parlera ou pas. On verra bien. L'étrange festival continue jusqu'au 19 septembre avec Mad God de Phil Tippett. L'un de nos invités vient de... Voilà. Et qui ne sera malheureusement pas là, mais qu'on espère et qu'on a hâte de voir. Je vous conseille absolument Junket, qui passe ce soir, une espèce de film steampunk complètement barré de Takahide Ori, qui a un film quasiment de 2 heures en volume qu'il a fait tout seul. Mais en plus, c'est bien. La semaine prochaine. Et il passe de nouveau la semaine prochaine, tout à fait. Si vous ne me croyez pas, j'ai vu le film il y a quelques années maintenant avec Pierre-Luc Grandjean, grand réalisateur et animateur, et qui était lui aussi absolument effaré de voir ce film et a trouvé ça vraiment bien. Donc voilà. Et il y a aussi The Spine of the Night, il y a pas mal de courts-métrages, enfin voilà, Étrange Festival toujours, puis plein de films intéressants. Allez voir demain, il y a un documentaire sur Delia Derbyshire, sublime, incroyable musicienne électronique, l'une des premières, qui a notamment fait le générique de Doctor Who, pour ceux qui connaissent. C'est rare, les sorties de courts-métrages en salle. Le 13 octobre sort un programme qui s'appelle Plan cul à praline. C'est quand même assez rare de voir. Alors, c'est vraiment très hétéroclite, il y a des choses qui sont évidentes, il y a des choses qui sont un peu moins. Il y a Average Happiness. Happiness de Maya Gering, j'avais pas vu forcément comme un plan cul à praline, mais pourquoi pas. C'est vrai. Mais bon, pourquoi pas. Thomas dans la vallée des loups sauvages de Quintus Lundgren, personnage évidemment, si vous ne connaissez pas, allez voir, parce que rien que pour ce film-là, il y a un deuxième film, il faut absolument le voir. Fille bleue peur blanche de Marie Jacotet et Lola Alifa le Grand. All Me Tight de Mélanie Robert Turner. Wild Love, c'est un film avec plein de gens derrière, c'est un étudiant. Hashtag 21 ou 21 Xoxo de Ciné et Imge Osbilje, et ça commence par Thomas et ça finit par aussi un autre film très important qui s'appelle Just a Guy de Shoko Hara, que je vous conseille absolument, qui est un film très fort et très très très très très étonnant. Alors, en volume aussi, sur l'attirance que peuvent avoir certaines personnes, là c'est les femmes certaines personnes pour les tueurs en série et une attirance même sexuelle par rapport à évidemment ce mal absolu, et c'est un film qui est très très fort par rapport à ça. Prix de la mise en scène au dernier Piaf, voilà, je vous le dis. 14e édition Kinopolska, on continue du 16 au 19 à l'Arlequin. C'est Pascal qui nous donnait cette news avec une soirée Marius Wilczynski. Nicolas sera, donc vous pourrez le voir samedi 18 à 20h. Il y aura une performance du réalisateur et ensuite à 21h son film incroyable Kill It and Leave This Town, qui ne sortira sûrement jamais en salle. Donc profitez-en, c'est vraiment, voilà, c'est rare. Sorti en octobre du nouveau numéro de Bling Blank. Profitez-en pour jusqu'au 22 septembre sur le site. Vous avez les 4 numéros pour 76€. Vous pouvez regarder sur le site de Caméra, etc. En Belgique, c'est caméra-etc. Donc etc.belgique. Et ils proposent dans l'onglet auteur. Alors c'est plutôt pour les résidents Wallonie-Bruxelles ou les Belges. Vous avez un appel à candidature pour une résidence, pour le développement d'un court-métrage. Il vous reste 8 jours, c'est le 19 septembre, donc c'est assez court. Et sinon, pour faire un micro-film, c'est une production d'un film de 2 minutes. Et là, vous avez un peu plus de temps. C'est le 17 octobre. Nicolas, tu avais une petite news, mais tu nous la diras maintenant ou tu la diras au moment où on passera l'interview de Florence Mihai, on passera... Peut-être pendant l'interview de Florence... Enfin, juste avant l'interview de Florence pendant... Mihai. l'interview donc, de Florence Mihai qu'on passera pour parler de la traversée, pour dire que la traversée sort le 29 septembre avec des visions plutôt... à la fois ou positif ou mitigé dans l'équipe. Moi, je ne l'ai pas encore vu. Je ne sais pas si toi, Marie, tu l'as vu. Oui, bah moi, j'ai eu la chance de le voir en avant-première au Forum des Images. Il y a Antoine qui était présent aussi à cette séance. Et c'est un film vraiment super intéressant. J'aimerais bien le revoir, d'ailleurs. Il y a la technique est assez épatante. Enfin, c'est très, très beau. Moi, je suis un peu technicienne. Voilà, je n'ai pas du tout compris comment le film était fabriqué. Donc, voilà, c'est complètement magique. Et sans ça, au niveau de l'histoire, pareil, c'est assez différent de beaucoup de films, notamment d'animation qu'on peut voir. Donc je pense que c'est un long métrage qui vaut le détour. Ouais. Donc voilà, donc 29 septembre. Et si vous devez voir un film cette année, en plus de La Traversée, il faut que vous alliez voir en ce moment Drive My Car, d'Amaguchi Ryusuke, excusez-moi, l'un des plus beaux films au moins de l'année, voire de ces 10 dernières années. Il y a une phrase de Virginia Woolf que j'aime beaucoup qui s'appelle... qui est dans La Traversée des Apparences, c'est les mois passèrent comme parfois passent de nombreuses années, dépourvues d'événements et qui pourtant, si quelque chose vient interrompre leur cours, prennent soudain à nos yeux une valeur exceptionnelle. Ryusuke réussit à juste parler de la vie, ce que le cinéma ne fait quasiment jamais. Pendant 3 heures, on est avec ces personnes et puis il y a des choses qui se passent et elles arrivent, mais sans côté exceptionnel, juste la douceur, la douleur de la vie, mais qui se déploie au bout de 3 heures. Enfin, c'est absolument magnifique. Je pense qu'on tient là, voilà, d'un des grands réalisateurs de nouveau. Et puis surtout, enfin, de nouveau, une manière de faire du cinéma comme on en voit peu. C'est un peu facile de parler d'Ozu, puisque les Japonais aussi, mais dans cette idée juste de regarder les gens et de regarder finalement la vie qui se déploie sans forcément avoir de caractère exceptionnel. Allez voir Drive My Car, c'est absolument, voilà, c'est un des grands chefs-d'œuvre de ces dernières années. Et là, c'est moi qui ai fait les news là aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, vous entendrez les voix d'autres personnes hein, qui font les news. Il n'y a pas que moi qui ferai les news. Et on va commencer par le coup de cœur aussi, émotionnel en tout cas visiblement, d'Antoine en concert. This is my kid, on commence avec toi. This is the kid, pardon. Oui, alors c'est un des deux gros coups de cœur de concert de cette semaine, parce qu'avec tous les reports qu'on a eu de concerts liés au confinement, c'est un agenda de concert chargé. Mais oui, en fait, j'attendais depuis très très longtemps un prétexte pour repasser un morceau de ce groupe qui est franco-anglais. Et le prétexte qui s'est présenté, c'est qu'elles ont joué il y a 2 jours dans l'église Saint-Eustache. Un concert qui a une dimension toute particulière, parce que donc dans une église, avec tout ce que ça suppose de... réverb psychédélique, de son un peu magique, et puis d'ambiance très particulière. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que c'est pas le dernier concert de musique profane qui a lieu à Saint-Eustache, puisque l'organisme qui a organisé ces concerts super en reprogramme, et dont un de la pianiste Ariane Moffa le 23 septembre. Voilà, donc si vous voulez avoir l'occasion de voir un concert dans ce lieu un peu particulier, ça vaut le coup, rien que pour l'expérience. Et pour parler un petit peu du groupe, moi c'est un groupe que j'ai découvert en première partie de Sufjan Stevens à la Philharmonie de Paris il y a quelques années. Et c'était pour un album qui s'appelait Moonshine Freeze, qui est vraiment l'album qui les a fait connaître et qui est un album qui est incroyable. Tous les morceaux sont géniaux. Et je voulais vous passer un morceau du dernier album qui s'appelle Off Off On et le morceau s'appelle This Is What You Did. Merci Nicolas. This is what they said, this is what you get, this is what you did, this is what they want. Why are you still here? This is what they said. This is what you get. This is. Do you feel it the same as you used to? Is it digging you down? Does it pile up to bury you? Better try to get out, get outside. In your limbs, it get out of your head again. And the soil you can taste in your mouth. But the water might wake you back up again. This is what you get. This is what you did. This is what they want. Why are you still here? This is what they said. This is what you get. This is what you did. This is what they want. Why are you still here? This is what they said. This is what you get. Et ben, on va commencer cette interview par toi, Paul. T'as fait. Là, on va te parler des deux films que t'as fait, donc qui sont Children, qui est disponible sur le Vimeo de l'AMCA. Je sais pas s'il est ailleurs, mais en tout cas, il est sur le Vimeo de l'AMCA. Et Précieux, qui est disponible sur Arte. Donc, c'est rare, on peut voir les films. Et juste, pardon, si vous voulez le voir. Excuse-moi, Antoine, c'est pas pour absolument, mais si vous voulez le voir, vous avez déjà une avant-première, j'ai oublié de le dire, de la traversée lundi 27 avec Florence Millet, en présence de Florence Millet à la Cinémathèque française, et Précieux passera à la Cinémathèque française. Paul n'est pas au courant, donc je suis content de lui apprendre. Si, il est au courant, donc voilà. C'est quoi ? Toujours bien, le lundi 25 octobre, dans une carte blanche d'Arte, vous pourrez voir aussi Souvenir, Souvenir, normal, de Jeannie Cathy, Le Monde en Soi. Donc tu peux le noter, c'est la carte blanche qu'on donne souvent à Hélène Dessy. Et donc elle a choisi ton film notamment pour passer. Il y a deux programmes et ça sera voilà le 25 octobre. Vous pourrez le voir sur grand écran. C'est bien sur petit, mais c'est bien de le voir sur grand. Excuse-moi Antoine, maintenant je te laisse. Et donc dans tes deux films, il y a quand même un motif qui se dégage assez précisément. C'est celui de nous mettre un peu brutalement l'incapacité de notre société à composer avec des personnages qui sont différents, en fait. Et je voulais commencer en parlant peut-être plus dans un premier temps de Children et savoir comment est-ce qu'on fait pour construire un film autour d'un personnage qui a commis quelque chose d'immoral et surtout comment est-ce qu'on arrive à retourner le truc pour que le spectateur arrive à s'y attacher au final. Children, il y avait un côté aussi exercice d'avoir une même unité de excuse-moi, il y avait une même unité de temps, en fait, c'est-à-dire que on avait un personnage qui disait des choses, on savait dès le début du film qu'il avait fait un sale truc, et on rentrait dans l'histoire par la psy qui énonçait dès le début qu'elle avait envie de comprendre, on a envie de comprendre, et qu'il y avait cette phrase là qui ça m'a rendu parler de Children, ça fait un bout de temps quand même, mais qui en fait représentait aussi un peu symboliquement la porte d'entrée pour le spectateur quand on a envie de comprendre ce qu'il a fait. Et en fait, à partir du moment où on a ce dispositif narratif, on a un personnage qui va dire des choses et qui va un peu dire tout et son contraire. Donc en fait, chaque attente qu'on va avoir pour comprendre pourquoi est-ce qu'il a fait ça va être un peu déçu, en fait. Et donc du coup, en fait, ça qui m'intéressait, c'était vraiment d'avoir cette espèce de personnage qui était de refuser en fait toute piste de compréhension du mal un peu quoi. Il y avait ce truc là qui m'intéressait. Et en même temps, pourtant, à la fin, de lui filer une humanité totale, quoi, parce qu'à la fin, il va pas bien, il chiale. Pour lui dire que, bah voilà, tu pourras jamais comprendre le mal, et pourtant, il reste commis par des gens avec lesquels on peut rentrer en empathie. Ouais, c'est super important dans ton film, et on le verra après. Justement, c'est moi ce que je trouve est un peu loupé. Je sais que Nicolas n'est pas un grand fan non plus d'Horatio, puisque ça parle aussi un peu de ça, l'idée du mal. Non, mais c'est, je ne te demande pas de parler d'Horatio, ne t'inquiète pas. Moi, bon, non, mais c'était pas du tout ça. C'est qu'en effet, à la fin, il y a toujours cette volonté d'un seul coup. Je sens pas la tendresse par rapport au personnage, alors que toi, j'ai l'impression de sentir cette tendresse que t'as par rapport à ce personnage qui, certes, mais il y a une incompréhension comme toi, j'ai l'impression, une compréhension du monde, et tu comprends cette incompréhension qu'il a, quoi. Ouais, bien sûr. Bah, en fait, c'est ce truc-là putain, j'aurais dû réfléchir un peu plus, ça, on va dire. Mais non, il y a, c'est vrai qu'il y a un motif, un truc qui me fascine un peu en général et dont j'essaie de parler dans mon. C'est une espèce d'incapacité totale à se projeter dans l'autre. Et pourtant, Et pourtant une empathie totale quoi, en fait. Je peux comprendre, j'arrive pas à comprendre pourquoi les gens font les choses, et pourtant je sais vraiment profondément que des fois ils vont bien, que des fois ils vont pas bien. Enfin j'ai une empathie pour leur qui ils sont quoi, en fait, simplement le fait qu'ils soient des gens en vie avec des émotions et ce avec vraiment tout le monde quoi. Children, je me rappelle. Un film, je l'avais écrit, du coup, mon film de fin d'études, donc c'était 2015, je crois, 2016, 2015. Et en fait, pendant la phase d'écriture, on avait Attentat sur l'Hebdo, on avait le 13 novembre, et en fait, c'était des questions que moi, je me posais vachement, quoi, et que le pays entier se posait. Alors le mec a fait un pont avec Charlie Hebdo, mais, mais en tout cas, mais que ce soit par rapport à ça ou par rapport à simplement des moments de l'histoire ou des choses qui peuvent arriver personnellement à des gens, c'est un truc qui arrive assez souvent de pas comprendre pourquoi les gens commettent des choses comme ça. Et moi, j'ai toujours pas compris, quoi. Donc, Et du coup, moi, je me demandais, t'as poursuivi cette exploration dans Précieux. Et du coup, tu as fait un choix très fort dans Précieux, qui est de créer des personnages adultes qui sont vraiment, qui sont presque, enfin en tout cas, je sais qu'on est plusieurs à le penser dans l'équipe, ils sont presque plus abjects que les enfants. Et je me demandais comment, enfin. qu'est-ce que tu gardes, enfin, qu'est-ce que tu, ça donne l'impression que tu as envie de parler vraiment beaucoup d'enfance et de ce truc un peu justement précieux qu'on perd en passant à l'âge adulte. Il y a un petit peu de ça, ouais, ouais. Non, je t'en prie. Non, bah après, le traitement des adultes, après les adultes. Je suis content en tout cas qu'il y ait différentes interprétations du propos. Après, en fait, les adultes, ils fonctionnaient. Il y avait cette séquence de fin qui était super compliquée à écrire. Parce que, tout reposait sur la réponse de Julie qui décide non, c'est pas mon ami, et qui en fait à son tour un premier choix d'adulte, quoi, en décidant de mentir. Parce qu'elle s'aperçoit qu'elle est en. Vu que c'est elle qui possède ou pas les informations que lui demandent les adultes, elle a du pouvoir quoi sur sa vie et sur celle d'Emile pour la première fois du film. Donc c'est pour ça qu'il y a un truc de passage à l'âge adulte chez Julie à ce moment-là. Et les adultes, en fait, ils avaient un rôle un peu fonctionnel, quoi, de comment est-ce que les trois adultes peuvent collaborer pour foutre la pression à cette gamine, et comment est-ce que les trois adultes peuvent collaborer ensemble avec les autres gosses. Avec Julie, en fait. Ce qui fait qu'à la fin, on en arrive à cette réponse qui est faite, c'est le fruit d'une collaboration entre différents acteurs. Et ça, c'était un truc qui était super important pour moi, de montrer que personne n'est mauvais en soi, mais par contre, on peut tous faire du très très mauvais travail quand on se prend main dans la main pour faire de la merde. Mais et voilà quoi. Et après, par rapport à ce qui est de la, la par rapport à ce qui est de l'innocence de l'enfance, et oui, il y a un côté un peu ça représente vraiment ce truc là quoi, le film. C'est s'en débarrasse, et puis consciemment quoi, elle le fait. Alors, juste une petite chose, parce que j'ai oublié de le dire, en fait, donc pour celles et ceux qui veulent voir un peu le travail de nos deux invités, donc on va avoir, on a un site, alors il est un peu long à dire, donc je le ferai pour la prochaine fois, on va avoir un site Bulle de Rêve, vous aurez toutes les émissions depuis 15 ans maintenant qui ont été faites, et alors là, vous allez sur The Web Anime pour l'instant, qui est donc, et vous regardez dans l'onglet Bulle de Rêve, et vous avez un lien sur le nouveau site où vous avez tous les liens pour Héloïse et Paul, et pour voir un peu leur film, parce que je me suis rendu compte qu'on n'avait pas. C'est vrai qu'on n'a pas dit de résumé de Précieux, on n'a oui. pas dit c'est Children, on peut le voir, mais voilà, mais Précieux, c'est. Mais c'est pas grave, parce qu'on va le découvrir au fur et à mesure, je pense qu'il n'y a pas besoin. Juste, ils sont plus, et on le verra avec Héloïse, il y a ça, ils sont complètement dépassés en fait. Et après, moi je suis pas complètement d'accord avec Antoine, donc on va reparler des enfants, mais ces adultes, ils sont dépassés. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment gérer la chose, il n'y a que la mère qui va voir son fils à un moment donné, qui a un geste un peu tendre, mais. Oui. Il est aussi un petit peu maladroit. La mère de Julie, elle est absolument détestable. Sûrement une DRH qui appelle en disant etc. Enfin, c'est des adultes qui n'existent pas. Moi, je les trouve très réalistes. Les adultes de Précieux. Ah oui. Ok. Bah, merci. Mais je vois très très bien la situation se passer tous les jours dans toutes les écoles de la France. Et on reparlera justement du regard donc sur les adultes qu'il peut y avoir notamment dans ton film aussi. Donc ce regard-là, quand je dis dépassé, d'ailleurs c'est pas forcément c'est pas une critique évidemment là par rapport à ça, c'est que je les trouve en effet ils ont aucun ils n'arrivent pas à comprendre finalement ce qui se passe autour d'eux quoi. Bah ils plaquent en fait ils plaquent là ils ont un peu chacun leur rôle quoi. Il y a la maîtresse qui va avoir une espèce de rôle de c'est un peu le mec entre dans les bastons, vous savez, qui fait non, qui essaye un peu comme ça de tirer une espèce de substance un peu morale de ce qui se passe et de dire bon, et là pour aiguiller quoi la maîtresse, la mère d'Emile en fait elle est déjà fatiguée quand elle arrive, elle est vraiment épuisée parce que elle a un moment handicapé, ce qui est vraiment et ensuite la mère de Julie en fait elle va en fait dans ce truc-là parce qu'elle a un truc en tête et son but c'est de faire correspondre la réalité à ce qu'elle a en tête quoi. Et elle était vraiment écrite comme ça, la mère de Julie quoi, un truc de non. Mais après, enfin, je suis aussi en empathie avec elle. Elle fait ça parce qu'elle a peur quoi. Enfin, on a le droit d'être con quand on a peur quoi. Et c'est comme ça qu'elle réagit quoi. Donc oui, elle a, et puis après oui, je voulais aussi qu'elle ait un côté. En fait, j'avais besoin quand même d'avoir un personnage. Un peu peut-être écrit un petit peu moins finement que les autres, je pense, sur la mère de Julie, parce que oui, les gens se mettent d'accord pour dire que je suis un peu une connasse quand même, et c'était important parce que j'avais besoin de faire monter la pression sur cette gamine à ce moment-là, et elle en l'occurrence remplit aussi un peu ce rôle-là quoi. Elle plus les autres gosses, ça se tenait bien. Et après oui, effectivement, par rapport aux adultes et au fait qu'ils soient en fait, ils vont essayer de faire des choses, ils vont essayer de comprendre des choses, ils sortent un peu tous un truc de leur manche, quoi, la maîtresse, et va se dire, bon, alors, faut essayer de le faire un peu en mode écoute active, machin, t'inquiète pas. La mère de Julie, elle, a envie de faire un peu plus la pression, mais en fait, le spectateur, vu qu'il. Mon but à ce moment-là, c'est de me dire, mais le spectateur, vu que lui, il a été avec Julie pendant tout le truc, il comprend à quel point ils sont à l'ouest. En fait, ils sont pas à l'ouest en soi, mais on sait qu'ils sont à l'ouest parce qu'on a vu ce qui s'est passé. Et on sait à quel point est-ce que c'est juste ce qui s'est passé, c'est à 10 000 lieues de tout ce qu'ils pourraient s'imaginer. Et pourtant, vu que c'est eux qui sont les adultes, et que c'est eux qui sont décisionnaires dans cette situation-là, c'est ça en fait qui crée un peu cette espèce de décalage. Quoi. Et je suis pas complètement d'accord avec toi, je trouve que les enfants sont horribles, ouais. La plupart. Ouais, j'ai l'impression d'être dans Récréation de Claire Simon, qui a un documentaire où on voit les enfants dans la cour de récréation, ouais. Où ils sont juste tous... terrifiants et terrifiants les uns que les autres à se battre, et le fait et on les voit, et en effet il y a juste une espèce d'oasis entre tes deux personnages principaux où on espère voilà qu'il va se passer quelque chose, mais comme tu veux pas, peut-être que c'est la réalité, comme le dit Héloïse, de toute façon il y a aucune raison que ça finisse bien entre guillemets, parce que c'est ça, et qu'elle va évidemment, parce qu'elle a peur du rejet comme tu dis, et la peur fait faire par ce qu'elle fait à la fin, quoi. Cette espèce, elle préfère cette espèce de mini gloire de donner son dessin que ouais. Que d'un seul coup de pouvoir. Et je trouve juste, je trouve que d'un seul coup, on est dans une dans un monde difficile, quoi. J'ai pas dit que notre monde était facile, hein, mais. Bah, les enfants sont de droite, hein, ça c'est. Un... Mais oui, bah les autres gosses. Après, ils sont en fait, ils sait pas. C'est les autres gosses, quoi. C'est ils sont traités graphiquement en termes d'animation comme une espèce de meute, quoi. Et donc ils font souvent, on les voit souvent faire des mouvements en même temps au cadrage. Ils sont souvent mis sur le même. Voilà, j'ai un goût pour la répétition graphique que j'ai découvert en faisant ce film. J'étais genre, ah, c'est trop bien. Ils sont trop bien. Mais donc oui, mais après, en fait, les autres gosses sont, pour moi, ils sont pas plus moralement condamnables que n'importe quel personnage du film. C'est juste que vu qu'ils sont à plusieurs, je sais pas si vous êtes déjà allé voir un match de foot, mais à plusieurs, on est souvent, je trouve qu'on est un peu. On est souvent plus con à plusieurs que seul, je trouve. Dès qu'on chante un hymne, on est terrifiant. Ouais, bien sûr, plusieurs, non, mais c'est un truc de fou, ça. Antoine. Non, mais moi je voulais poursuivre peut-être en parlant un tout petit peu de mise en scène, parce que c'est, enfin, t'as une mise en scène qui est très déjà posée et qui a peut-être des aspects un peu austères, mais qui est aussi dans une économie de lieu, de d'espace. Et je me demandais si c'était une façon pour toi de pouvoir te laisser de la liberté un peu au tournage, ou si c'était, tu storyboardais vraiment beaucoup tes films avant de commencer. Non, c'était vraiment archi storyboardé. En fait, c'est pour précieux. J'avais quand même en tête de l'économie, en fait, simplement. Donc du coup, en stop motion, ce qui coûte, ce qui va vite, c'est l'animation en soi. L'animation en soi, par rapport à la 2D, à la 3D, ça, je trouve que ça va plutôt vite, personnellement. Et en fait, ce qui prend du temps sur un tournage, je sais pas, après, je pense que ça dépend des projets. Peut-être qu'Héloïse a une manière un peu différente de bosser de moi. Donc. Mais c'est vraiment l'installation, quoi. C'est installer le décor, faire l'éclairage, mettre les personnages, avoir un cadre, faire une image... Poser une image, c'est long, et bizarrement la faire bouger, c'est pas trop long, je trouve. Donc du coup, au niveau de la mise en scène, au début, je m'étais dit, mais quand j'avais commencé à voir des trucs, je m'étais dit, mais limite le dogme, quoi, le truc de si t'as un lieu, c'est un cadrage. Au début, je m'étais dit ça. Donc, je m'étais dit, bah t'as l'école, t'as la salle de classe, tout ce qui se passe dans la salle de classe, c'est le même cadrage. Et même les gamins, si t'as un truc qui se passe entre Julie et Emile au fond, et ben on les voit au fond, et puis on a le son qui se passe, mais c'est sur un cadrage. Bien sûr, c'était complètement impossible et imbitable à la mise en scène. Quoi, j'ai essayé de le faire un peu, et je fais genre, ouais, non, en fait, on perd tout, quoi, ils sont au fond. Mais par contre, l'animatique et le style de mise en scène a découlé de ce truc-là. Quoi. Donc ça veut dire qu'on était souvent sur un même axe, on raccordait beaucoup dans un même axe, j'essayais de bouger ma caméra un minimum, et d'avoir un maximum de réutilisation de cadres. Pour des questions d'économie, mais voilà, après, le but c'était aussi de décrire une vie scolaire archi redondante et un peu anxiogène, donc c'est trop long, ça marchait bien, quoi. C'est une mise en scène que tu as déjà dans Children, puisqu'en fait, dans Children, on est complètement bloqué dans cette salle et tu nous fais, à un moment donné, heureusement presque, sortir avec ce personnage de psy, donc voilà, qui sort elle-même pour prendre l'air, et on est comme elle, et à un moment donné, parce qu'il y a cette incompréhension, comme on disait tout à l'heure, de ce personnage, et qui est très fort, c'est-à-dire ces plans quasiment fixes, enfin fixes qu'on a à l'intérieur, avec un cadre resserré, on est quasiment serré là-dedans, et juste ce petit moment très bref, en plus elle apprend pas, il y a une chose dure en plus qu'elle apprend, mais c'est une mise en scène, il y a des réals comme ça qui t'ont marqué dans cette mise en scène très simplifiée, on va dire. J'oublie son nom. ça peut être la prise de vue continue, hein, c'est du live d'accord, en plus, ouais. C'est Anderson, c'est pas Wes Anderson. C'est Roy Anderson. Ok, merci. Mais ouais, lui, il me rend ouf, parce que il y a un truc de typiquement... Je trouve que ça... quand j'ai vu son boulot, j'ai eu le sentiment que j'avais des choses à piquer. À piquer pour la stop-mo, parce que... En fait... parce que c'est un seul cadre dans lequel il se passe plein de choses, quoi. Et ça, vu que c'est chiant de bouger une caméra en stop-mo et de refaire un décor, etc., j'étais genre, peut-être qu'il y a quelque chose. Et puis en plus, j'aime beaucoup ouais, l'impression que ça donne, quoi, espèce de truc. Oui, et puis il y a une filiation, enfin maintenant que t'en parles, il y a une filiation même en termes de, pas nécessairement de thématique directe, mais dans la façon de traiter le monde humain, enfin, avec une certaine distance en tout cas. Et, j'en sais rien, mais en tout cas pour la mise en scène, ouais, ça se met vraiment. Et puis Nikki Lynn Rothenberg, vu qu'on en parlait, avant de venir, ouais, qui elle vraiment m'a. Mais je pense qu'elle aussi. Qui est aussi une fan de Roy Anderson. Ouais, voilà. On a un peu. Voilà, je pense. Et je me demandais comment tu travaillais les voix, parce que c'est quelque chose qui est hyper fort, que ça soit dans Children ou dans Précieux. En plus, dans Précieux, il y a des personnages qui sont quasiment caractérisés que par leur voix, parce que leur visage ne bouge pas. Et du coup, je me demandais comment ça se passait, si ça venait tôt ou pas dans ton processus. Ouais, dès le début. C'est vraiment. En fait, je trouve que la voix des gens et les hésitations, et c'est des choses auxquelles je suis très sensible en général. Même dans ma vie à moi, j'aime beaucoup les voix des gens, j'aime beaucoup regarder comment est-ce qu'ils parlent. Et en fait, le naturel est un truc qui m'obsède pas mal en réel. Et donc du coup, souvent, ce que j'essaye de faire, c'est, et j'avais fait ça sur Children aussi, c'est-à-dire que je vais avoir un texte, j'aurai mes comédiens et mes comédiennes que je vais essayer de rencontrer avant au maximum. Et ensuite, on va tout enregistrer, enfin tout répéter comme pour une pièce de théâtre en fait. C'est-à-dire que voilà, ils ont les textes, et puis on répète le truc, et puis on essaie de regarder en fait, parce qu'il y a un temps en fait qui se passe quand les gens ne disent pas les choses. Ça c'est un truc qui j'ai l'impression que dans l'enregistrement on a tendance à dire ah tiens machin il a un timbre de voix de dessin animé, et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des voix très particulières, mais en fait ce qui fait la teneur d'une conversation en vrai, ça va être par exemple les 10 secondes qu'une personne va passer à fermer sa gueule avant de parler, je pense. Donc du coup ce truc là j'essaie de le rendre, c'est pour ça que j'essaie de, sur Children j'avais fait ça, j'avais tout enregistré d'une traite et après on avait animé dessus, en gardant ça avait guidé le rythme du truc. Sur Précieux, bon, j'ai un peu triché avec ce truc parce que, bon, au bout d'un moment, le côté un peu dogmatique, je pense que ça peut être un peu chiant. Et puis il y a des moments où il n'y a pas que ça, il y a aussi le rythme du film, il faut être un peu souple, quoi. Mais c'était un peu ça, quoi. Donc il y avait les gamins en fait qui étaient des enfants de collègues d'Angoulême qui bossaient à Normal Animation. Et puis ils étaient venus deux fois, quoi, à l'atelier, on avait répété un peu, on était un peu amusé avec eux, et puis c'était un peu fait tout seul, quoi. Et puis après, ce qu'on avait fait, c'est que ça n'avait pas été enregistré à la perche. On était vraiment assis. Mais par contre, ils ont refait naturellement ce qu'ils avaient fait quand ils étaient en train de répéter, quoi. Voilà. Et ensuite, pour ce qui était la voix d'Emile, ça c'est un truc qui est assez particulier. C'est Tristan Collet, qui est un type que j'avais rencontré dans le TGV. Et qui mangeait des chips, et qui m'a tendu une poignée de chips en s'en et puis je fais et donc du coup on est devenu assez amis, et on s'est vu régulièrement, et il avait ce timbre de voix et puis un vécu de son côté assez particulier, quoi. Et du coup il a enregistré la voix de lui. Et il y a une chose qui a changé entre le jeune Paul Mas, celui qui est toujours jeune mais qui est un petit peu, c'est la musique était super importante. Si on prend Undergo, Foxy Lady, j'étais déterré. Oh putain, t'es sérieux? Je t'inquiète pas, j'ai été déterré ça. Non mais ça, c'est intéressant. Undergo, tu commences. Undergo, tu commences par une chanson de Franquin. La honte. C'est le problème avec les gens en animation qui, en plus technique, c'est qu'ils ne voient que la technique, ils ne voient pas du tout les sujets qu'il y a derrière ou quoi. C'est déjà tout. Enfin, il y a déjà énormément de choses. Et donc tu te bases énormément sur la musique. Et là, il n'y a pas de musique du tout dans les deux. C'est-à-dire, et dans Précieux, dans Children, sauf Précieux à la fin, où tu as enfin de la musique générique. Et tout à l'heure, Héloïse parlait d'ailleurs de réalisme, dire je vois bien. Ça joue énormément dans les deux films. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, tu te dis, je vais me passer de musique? J'étais content, je m'écoutais parler et tout. Et puis là, pourquoi plus de musique? Oh mon dieu. La musique. La musique, en fait, sur Children, mais en fait, c'est juste que, il y a un moment, je me suis aperçu que je savais pas trop l'utiliser, quoi. C'est un des outils de mise en scène que j'ai pas forcément, quoi. Il y a des outils de mise en scène que je maîtrise. Il y a des gens qui savent faire du storyboard, je vais pouvoir me démerder avec du board, avec ça. La musique, je sais toujours pas utiliser ce truc. C'est vraiment une partie, c'est un apprentissage que j'ai pas encore fait et que j'aimerais faire. C'est pour ça que je me sens profondément mal à l'aise quand on parle des moments où j'ai mis de la musique, parce que c'était vraiment un chier, quoi. Et maintenant, sur des prochains projets, j'aimerais bien commencer à utiliser de la musique, parce que j'en écoute beaucoup, j'en fais aussi un peu. Mais ouais, c'est tout simplement un truc que je maîtrise pas, quoi. Voilà, donc j'en mets pas. J'ai une question. Ouais. Julie, c'est un peu toi. C'est l'artiste qui, d'un seul coup, c'est l'artiste qui a peur de se rendre compte qu'elle peut aller. T'as une vision du monde quand on regarde, et t'as beau dire, encore une fois, Undergo. Je parle pas de la qualité, mais tu commences par une citation de Franquin qui est pas la personne. Ouais. Enfin, c'est des noirs, ouais. Notamment, c'est pas la personne qui voit le monde de la manière la plus drôle possible. Et peut-être que c'est la seule manière de voir le monde. Là, c'est pas moi à dire les choses. T'as une vision qui est assez, en tout cas, on va dire dure. Il y a une espèce de forme de désespoir aussi dans le film où se dire est-ce qu'on va s'en sortir, est-ce qu'on va y arriver. Et je trouve que Julie, elle a ça aussi, c'est-à-dire qu'elle a l'idée. Non, je vais défendre ce petit camarade qui est en train de se faire embêter, ou non, je vais juste, mon art va juste me servir à moi, ma popularité, et fait que je vais être bien, mais qui est compréhensible aussi, c'est-à-dire la peur qu'elle puisse avoir d'être rejetée. Donc il y a aussi tout ça. Bah, c'est pas vraiment. Ouais, quand même. Je pense que j'en. Par rapport au désespoir, en fait, c'est pas. Personnellement, je trouve pas que mes films soient tristes, en fait, ça qui est bizarre. C'est, il y a un truc de, j'ai l'impression que c'est en acceptant une forme de noirceur dans les choses qu'on se met à aller mieux, quoi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me défends, quoi. Face à un peu toute la merde qui m'entoure, quoi. C'est comme ça que je me défends en me disant, bah, je vais juste faire face au truc, l'accepter dans toute son injustice et une fois que j'aurai accepté ce truc-là, bah, ça ira mieux, quoi. C'est faire des films pour comprendre un peu mieux le monde? Ouais, c'est ça. Ouais. Vraiment, c'est de comprendre les choses. C'est les de toute façon, le fait que les mécanismes soient injustes, oui, je s'en aperçois au bout d'un moment, mais par contre, j'ai un vrai goût pour la compréhension de ces choses-là, quoi. Et comprendre, essayer de sortir de... Parce que je suis jamais satisfait par les explications qu'on me donne du monde qui m'entoure, qu'elles soient partisanes, ou j'ai toujours l'impression qu'il y a un truc qui manque, quoi. Et donc, du coup, j'essaie de chercher par ça, quoi. Antonin Armou, on fait une pause musicale. Allez, une petite pause musicale. Et c'est ton tour. Ne regarde pas comme ça. Ouais. Vas-y, on t'écoute. Alors, moi, ce que j'ai choisi, comme le programme était chargé, c'est un morceau qui est très court. Et je crois que c'est la première fois. J'aurais déjà choisi des très courts quand même. Ça, pas toujours 10 minutes. Et ça tombe bien parce qu'il y a le nouvel album d'un duo qui s'appelle Lump, qui est composé de Laura Marling et Lindsay Anderson, qui vient de sortir. L'album s'appelle Animals. Il y a un titre phare, d'ailleurs, de l'album qui s'appelle Animals, mais lui était un petit peu trop long. C'est un duo qui fait un peu de type, on va dire, psych folk, un peu pop et de la musique un petit peu expérimentale aussi, qui travaille de manière assez particulière. Et parmi tous les morceaux, il y a l'avant-dernier morceau, justement, beaucoup plus court que les autres, qui amène vers le dernier titre et qui est peut-être le plus mélancolique, le plus éthéré, où on entend le plus justement la très belle voix de Laura Marling et avec des textes très poétiques, qui s'appelle Oberon. Et c'est celle-là que j'ai choisie. Alors Oberon, qui fait probablement, mais je ne sais pas à quel point, référence au roi des elfes ou au personnage de Oberon dans Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Donc voilà, c'est parti pour 2 minutes. On écoute Nicolas. No! nothing you can do or say to change that now. I never stood up to the fakes. Perhaps I'll get it back someday. Fragments that were lost among the reframe. But Oberon, you let me down. Voilà, évidemment, hein, on vous le cache pas, c'est comme d'habitude, ça parle autant, en fait, voire plus, pendant, en fait, finalement, la musique que pendant l'émission en elle-même. On va passer, merci à Paul, on reviendra avec Paul, évidemment, on parlera notamment un peu plus de technique pour les gens qui sont un petit peu plus, voilà, friands, techniques, et on va passer à Ulysse Perlet. Héloïse, à la mer poussière, c'est ton film de fin d'études, t'avais besoin, on est sur des films plus suggestive, on va dire, avant. Tu avais besoin de raconter une histoire, c'était quelque chose d'important, là, d'avoir une ossature un peu plus forte, n'est pas le mot, mais en tout cas, oui, plus importante. Oui, j'ai pas l'impression de pas avoir raconté des histoires dans les deux premiers. Mais oui, effectivement, j'avais un peu en tête de raconter une plus grande histoire, ou au moins d'y avoir plus de détails, et que ce soit un truc moins poétique et évanescent. Qu'on soit plus dans le concret. C'est ce que j'ai dit. Hein. J'ai pas dit que les deux ne racontaient pas l'histoire. J'ai dit qu'on était plus dans le suggestif. Oui, et par exemple, Joliet, on peut avoir plein de visions de Joliet. Si on lit le résumé, on peut dire ah, plus, on peut avoir. Alors que là, on est quand même dans quelque chose d'assez terre à terre. On va juste raconter rapidement. C'est l'histoire d'une mère seule qui élève ses deux enfants et cette difficulté entre les deux enfants pour s'entendre entre l'aîné qui en veut à son petit frère, on va dire, et de plein de choses. On va pas trop en raconter. J'espère que les gens pourront le voir. Il tourne encore en festival. Donc oui, il y avait cette idée-là. Est-ce que c'était pourquoi? Parce que tu sentais que tu étais prête à faire quelque chose d'un peu plus long. Là, le film fait 13 minutes, donc deux fois plus. C'était... Ouais. J'avais pas prévu que ça dure aussi longtemps. Du coup, j'ai mis un an de trop à le faire, ce film. J'ai pris deux ans pour le faire au lieu d'un. Je m'étais dit que ça durerait, je crois, 7-10 minutes maximum. Bon, voilà, ça a dépassé. Pourquoi ça a dépassé? C'est qu'il y avait besoin de temps. Pourquoi? Pour sentir la colère, pour j'avais besoin de temps pour les regards, les échanges, le temps de la contemplation, le temps de l'acceptation, et du coup il y avait besoin de temps à ces moments là et en fait c'était plutôt ok parce que c'était des images qui bougeaient pas trop, les moments où il y avait besoin de rallonger, alors j'ai rallongé. C'est quelque chose que t'as dans tes autres films? T'es quelqu'un qui vient de la campagne à la base? Non. Parce que c'est intéressant de voir à quel point le jardin, la maison isolée est important dans ton cinéma pour l'instant. J'ai grandi dans une ville, à Aix-les-Bains, c'est pas la campagne, mais ça reste pas Paris. Ça reste proche de la nature et de la montagne surtout. Et, par contre, pas du tout ce paysage qui me hante d'un grand champ en plein été avec des blés et une maison perdue, un arbre et une balançoire. Je vais essayer de me débarrasser de cette image. Et en fait, c'était une image que j'ai lue dans un livre de Patti Smith qui s'appelle Glaneuse de rêve et où elle raconte et qui a été à l'origine de Les Filles du Vent et où elle raconte qu'elle voit un soir où ses parents sont absents et qu'elle a la charge de ses trois petits frères et sœurs, il me semble, la grange du fond d'un jardin s'embraser. Et donc elle décrit le ciel et le violet, les paillettes, c'est incroyable, c'est un tout petit paragraphe. Et ce truc m'a marqué, mais m'a hanté depuis, et j'ai fait Yola, et après À la mer poussière, et après Les Filles du Vent avec cette image-là récurrente. On va en parler après, Les Filles du Vent, qui est ta participation en sortant de l'école sur André Chédid, hein, on va en parler un petit peu. Il y a ça, et puis il y a aussi le côté... on va rester un peu là-dessus, c'est quand même rare, parce que c'est vrai qu'en animation, on est souvent de plus en plus sur des images qui servent. C'est pour ça que je te parle d'histoire, de propos. Il faut absolument que chaque image puisse d'un seul coup raconter quelque chose, en tout cas avancer. Alors que là, tu as plein de moments, toi, où on va être, en effet, peut-être que c'est récurrent, mais sur la balançoire, on va avoir une feuille, on va avoir un bout de maison. Et c'est assez rare, cette idée de contemplation. C'est quoi? C'est quelque chose qui est important pour toi, qui vient d'un cinéma, qui vient d'un... Tu viens de parler de Patti Smith et de... Je dirais que c'est parce que je veux quand même montrer des choses, en fait, mais pas les choses qu'on voit, les actions et le déroulé. Ce que je cherche, c'est ce qui se passe à l'intérieur des gens et à l'intérieur de, bah là, du coup, ces trois personnages. Et j'ai l'impression que, à travers juste tourner la tête vers quelqu'un et le regarder, on voit beaucoup de choses. Et du coup, je suis pas du tout dans ce truc de ok, chaque plan va servir à faire avancer l'histoire d'un point A à un point B. Et je me dis plus, ok, alors là, elle ressent de la culpabilité. Comment je montre la culpabilité à l'écran avec des marionnettes de 12 cm. Et comment on fait? Est-ce qu'on a des films en tête? Est-ce que tu, comme tout animateur, beaucoup d'animateurs, tu joues toi-même? Ou alors non, tu as des films, tu regardes, tu fais, bah là, la cruauté pour moi, c'est tel film et c'est tel personnage. Je crois que je réfléchis et je lis pas mal. Du coup, un truc un peu éloigné du cinéma et de l'image. Et j'analyse beaucoup, je crois que dans ma vie personnelle, je suis pas mal dans le soin avec mes amis, avec les personnes autour, à essayer de comprendre pourquoi d'un coup telle chose va déclencher une réaction complètement différente chez des personnes, et d'analyser ça me donne envie de le montrer. Et ensuite, je crois qu'un des tips, c'est pour moi d'avoir des yeux qui soient super expressifs dans mes marionnettes. Et après, le reste, on s'en fout. Enfin, on voit plus que les yeux et on... C'est pas qu'on s'en fout, mais c'est que ça devient le cœur du sujet et on oublie que c'est des marionnettes. Et ben, je suis beaucoup, enfin, inspirée par un cinéma plutôt réaliste, plutôt social et du coup plutôt en live. Mais ça passe pas tant par les marionnettes, l'influence live caméra qui tourne dans mes films, mais je dirais plus un truc de mise en scène ou de proximité de la caméra, des marionnettes. Je trouve que souvent dans les films stop-mo, on va avoir... parce que c'est difficile de faire des champs contre champs, parce que ça implique de fabriquer deux décors au lieu d'un seul, comme racontait Paul. Alors moi, je suis pas du tout à me dire... Comment je vais faire pour que ça coûte moins cher? Du coup, j'ai un peu tendance à me dire non, je veux qu'on voit le champ contre champ, même si ça va être un plan, un gros plan énorme sur le visage, et du coup, à rechercher cette esthétique du cinéma live qui peut se permettre de faire ça parce que, bah, juste, il est dans une maison et il va faire le champ contre champ et voilà, quitte à tricher et quitte à réutiliser les décors derrière, mais. C'est important ce que tu viens de dire. Tu parles de fragmentation, on est beaucoup dans la fragmentation des personnages. C'est vrai que moi, je pensais à quelqu'un comme Cazavetes, par exemple, qui fait beaucoup ça dans Face 6, dans ces films comme ça, où on a vraiment l'impression qu'on a des petits bouts qu'on voit pas. Et tu peux avoir ça quand ils se bagarrent au tout début, on va les avoir. Il y a plein de moments donnés où, en fait, on va pas forcément voir les personnages. J'ai presque le seul où on le voit, c'est, je crois que c'est Yola, mais t'as plein de films où, en fait, on voit que des bouts de personnages, comme si d'un seul coup, on était dans une vision aussi fragmentaire, parce que une vision complexe, finalement, des choses. J'avais pas formulé cette pensée, mais ma foi, elle me plaît pas mal. Après, je fais un peu attention avec la fragmentation des corps, parce que je veux montrer beaucoup la tête et les émotions et pas la chair. Et c'est quelque chose qu'on fait énormément avec le corps des femmes dans le cinéma, de le fragmenter, alors je voudrais pas faire ça. Là, c'était plus dans l'idée, pardon, je donne la parole à Antoine, c'était plus l'idée de fragmenter parce que et juste, comme tu le dis, ce qui est intéressant dans ton cinéma, comme dans Joliet, c'est qu'on n'a pas l'impression, on en parlait avec Paul, qu'il y a Joliet, par exemple, qui pourrait être un film, on va dire, féministe pour emploi un mot, en tout cas, voilà, quelque chose d'un truc. Et il y a presque une tendresse, je trouve, aussi pour l'homme, en tout cas, d'incompréhension, cet homme qui comprend pas forcément les choses qu'il a pu faire ou qu'il fait, etc. Là, on a la mère, elle est bouleversante dans La Mère Poussière, alors qu'elle pourrait être mère, on pourrait dire, mère indigne, soi-disant ou quoi, mais elle est juste, on sent qu'il y a tellement de choses derrière, qui est ça. Et quand je parle de fragmentation des corps, c'est pas du tout dans la beauté ou dans tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est juste parce que c'est cette vérité complexe. Ah, mais j'avais bien aimé, hein. J'aime bien. Et je rebondis sur le truc de la mer dans La Mère Poussière. Pour moi, c'était primordial. Et c'était tout le nœud du départ. Je suis en train de montrer une mère indigne qui s'occupe mal de ses enfants. Comment faire pour qu'on ait de la tendresse pour elle et qu'on la comprenne et qu'on soit dans l'empathie et qu'on se dise oh, moi, à sa place, comment je ferais? Comment je gérerais? Et pour moi, c'était la chose la plus difficile à mettre en place et c'est pour ça que je crois que ça a fonctionné parce que personne m'a dit oh là Quelle connasse. Bah, tu finis sur elle, on finit sur elle. Le film se termine sur un plan. Et c'est pour ça que ça s'appelle À la mer poussière, et c'est pour ça que. En fait, c'est les enfants ont un conflit complètement centré sur la mère parce qu'ils cherchent son attention, ils la veulent pour elle, et même s'ils devaient la partager, ils s'en accommoderaient, mais là, ils l'ont pas du tout. Antoine. Non, je trouvais ça hyper intéressant que tu parles et de littérature et de cinéma en inspiration. Je me demandais d'où ça te venait, enfin si c'était à l'ENSAD, parce que c'est vrai que c'est plus courant pour des étudiants de l'ENSAD d'avoir un peu une réflexion autour de comment les films s'inscrivent aussi dans le cinéma, enfin ou dans d'autres pratiques artistiques du fait d'être aussi avec d'autres sections, ou si c'était même avant dans ton parcours qu'est-ce qui fait que tu puisses dans ces médiums-là qui sont éloignés du cinéma? Alors je crois que c'est plutôt par un sentiment d'illégitimité à puiser dans le cinéma. Et que j'ai pas grandi dans un univers où on regardait beaucoup de cinéma du tout, et que c'est quelque chose que j'ai découvert au lycée quand je me suis dit ok, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, ok, je veux faire l'ENSAD, et je voulais faire cette école sans savoir que j'allais faire cinéma d'animation. Donc je regardais des films, mais les blockbusters qu'on connaissait, qu'il fallait regarder les 100 films à voir dans sa vie, quoi. Et je les aimais tous, parce qu'évidemment, je découvrais et j'étais là, ok, c'est génial, cette personne a donné tant de son énergie pour faire ce film, forcément, je l'aime. Et du coup, quand je suis arrivée à l'ENSAD et que là, j'étais en compagnie de personnes qui avaient un regard critique et bien plus acéré que le mien, je me suis pas frottée à ça. Je me suis pas dit alors ok, je vais rentrer dans ces discussions. Alors j'essayais d'aller voir, de rattraper mon sentiment de retard en quelque sorte. Et du coup, je m'appuyais sur ce que moi j'avais. Alors j'aimais beaucoup lire, et ça c'était un truc qui se faisait moins, de faire des images à partir de textes. Et c'était pas pour me démarquer, c'était plus parce que là je m'y sentais à l'aise. Et en fait, pour en venir au cinéma et au stop motion, j'ai très longtemps hésité, à la suite de ma première année, à faire soit textile pour fabriquer des choses et faire de la laine et tous ces trucs que j'aime bien, et faire photo vidéo, parce que j'adore prendre des photos et j'adore faire des vidéos, raconter des histoires. Et je me suis dit ok, si je vais en textile, je raconterai jamais d'histoire, et si je vais en photo vidéo, je ferai jamais de textile. Et je me suis dit ah, en animation, il y a peut-être une petite faille pour combiner ces choses. Et en fait, c'était vraiment une très bonne idée de faire ça, parce que je me retrouve à faire les deux choses que je n'arrivais pas à lier dans ma première année. Et du coup, à rentrer dans le cinéma d'animation, ni par le dessin, ni par le cinéma, mais par plutôt le bricolage et l'envie de raconter des histoires. Et je pense que c'est de là que je puise les inspirations. Et du coup, quand j'entends les gens qui disent « Ah, oh, moi, je vais voir tous les films qui sortent au cinéma, absolument !» Moi, je suis pas encore sortie de mon complexe, quoi, mais je vais plutôt puiser un peu partout, et beaucoup dans la photo, etc. Et tu l'as dit tout à l'heure, dans la vie de tous les jours, il y a ce moment qui est très beau avec Malo, qui est le petit frère, qui fait, sans dire, mais on peut pas faire autrement, qui fait ce geste que la grande sœur, pourtant, qui râle tout le temps, qui parle, n'arrive pas à faire, c'est rentrer dans cette voiture et faire ce geste de rébellion totale, mais qui juste après redevient le petit frère qui dit que je veux faire pipi, quand est-ce qu'on s'arrête? Et donc, il y a une vision des gens, il y a une vision là, en deux minutes ou même pas, du petit frère qui est assez étonnante. Donc, il y a quoi? Il y a aussi regarder tous les gens autour de soi, noter dans sa tête, dire ah ben lui il est comme ça, elle est comme ça. Ouais, oui, j'aime bien observer. Après, je suis pas du tout dans la consignation comme des gens peuvent l'être sans arrêt avec leur carnet de dessin. Je les admire, je trouve que c'est génial. Moi, je suis plutôt à choper un geste, ou alors quand j'ai mon personnage, à ce moment-là, me dire ok, mon personnage ressemble à ça, et là, observer tous les gens qui potentiellement pourraient lui ressembler, à toutes les situations. Je me rappelle, pour Malo, j'ai commencé à créer ce personnage, et je suis allée au cinéma. Le film avec le jeune garçon transgenre qui veut faire de la danse. Girl. Et Girl a un petit frère. Et à un moment, ce petit frère lui fait un câlin, et il penche sa tête et il secoue ses cheveux, et moi j'ai été subjuguée par ce moment, et genre ça m'a super marquée. Je me suis dit ok, Malo c'est lui, et Malo va lui ressembler, et c'était une fraction de seconde dans le film, et ça m'est resté super fort, et j'avais oublié le titre du film. Toi, à l'inverse de Paul, par contre, la musique, elle est super importante, elle est présente dans tous les films depuis le début. Comment tu la travailles, cette musique? Elle est là, elle t'accompagne, elle accompagne en effet les émotions, ce que tu as envie de raconter, ce que tu veux dire. Ben oui, oui, je trouve très vite. Alors, comme pour Paul, je fais les voix très tôt. Et du coup, très tôt, j'ai ma bande-son. Et très tôt, sur ce montage voix, je mets une musique témoin qui va aider... En fait, c'est pas, j'invente pas l'autre chose en faisant ça, hein, mais cette musique témoin va porter très fort. Bon, après, c'est toujours dur de s'en débarrasser quand il faut mettre la nouvelle musique. Mais oui, c'est un gros truc. Et puis même, je trouve que la musique et les chansons collectives, c'est un truc ultra fort. Du coup, dans Les Filles du Vent, pour moi, c'était primordial qu'on ait ces voix de femmes qui s'unissent et qui chantent ensemble. Et ça, voilà, ça me parlait très fort. Et oui, j'aime la musique. Non, mais c'est intéressant parce que, par exemple, il y a des compositeurs et des compositrices qui détestent les musiques témoins. Il y a des gens qui disent, mais quand on met du Mozart, qu'est-ce que vous voulez que je fasse après? Je peux pas faire mieux que Mozart, donc je suis incapable d'aller au-delà. Bah après, il y a un mec qui le garde son Mozart. Hein. Non, mais donc voilà. Non, donc, c'est Vivaldi, merde. C'est Vivaldi, oui. Écoute. Non, mais c'était incroyable ça. C'est fou, non? Qui fait un film en 2020 et met les 4 saisons de Vivaldi à la fin et ça termine le film et t'es subjugué? Enfin, moi je trouve que c'est fou, elle est trop forte. C'est vrai, faut... pour des grosses références comme ça, c'est assez ouf parce que faut être sur son coup. En fait. Mais ça a été utilisé dans des pubs pour vraiment. La Maïf, cette musique. Ouais, là, c'est dans Portrait de la jeune fille en feu et tu pleures. Ouais, mais c'est faut. Je me suis emballée. Personne. Non, mais c'est très bien. Au contraire, il faut Les Filles du Vent qu'on peut voir d'ailleurs sur Internet en ce moment. Il y avait quoi? Il y avait un côté presque plus. Alors. Encore une fois, évidemment, tu vas dire l'inverse. Un côté peut-être un peu plus engagé ou un peu plus dans cette idée de sorcière que les films d'avant. Oui. Ouais. Oui. Bah, c'est pour ça que je prends des. Non, mais si. C'est pas caché. Hein, c'est pour moi très clair. Je pense que À la mère poussière était un peu féministe parce que je suis une femme et parce que je cherchais à montrer une mère différemment de celle qu'on peut voir dans le cinéma et surtout de la juger différemment qu'on juge les mères dans la société. Mais c'était pas quelque chose... En fait, c'était quelque chose qui me portait dans ma vie, mais je l'avais pas théorisé. J'avais pas lu plein d'essais féministes et Sylvia Federici à donf. Alors que là, pour Les Filles du Vent... J'étais super excitée que ce soit enfin une poétesse qui soit choisie en sortant de l'école. J'ai ouvert le truc, je suis tombée sur le poème qui s'appelait Les Filles du Vent. Je me suis dit, oh, ok, il y a un poème qui s'appelle Les Filles du Vent, je le lis, il est incroyable. Et puis, bah, je me suis laissée porter par ce poème à fond. Et là, pour le coup, je suis rentrée tête baissée dans je vais faire un film féministe avec que des filles. Et aussi une femme oppresseuse au début, quoi, la mère de l'enfant qui l'enferme un petit peu dans un carcan. Et oui, clairement, je voulais un truc d'ouverture des possibles, un film que j'aurais aimé voir quand j'étais petite. On va faire une petite pause. C'est à toi, Antoine. Ah oui, pardon, excuse-moi. Non, c'est pas grave, c'est à un moment donné, on a eu Louise qui est partie, donc tout le monde a un petit peu et tout, c'est parfait. Et donc, il faut retomber un peu. J'ai forcé Alexis à me laisser passer deux morceaux. Au début, je voulais pas vous passer un morceau des Têtes Raides, parce que je pensais qu'Ardieu Libertaire, ça avait pas grand-chose d'original. On a des affiches dessinées par les chapelets sur les murs. Mais quand même, dimanche dernier, j'étais au concert des 30 ans de Ginette à l'Olympia et c'était quelque chose. Déjà de retrouver ces musiciens, de les voir en concert, parce que moi je vais les voir depuis que je suis tout petit et c'était génial de constater que dans la salle il y avait le même brassage de génération que quand j'y allais enfant, c'est-à-dire qu'il y avait des enfants, il y avait des ados, il y avait des adultes et des vieux enfants. Et surtout, il y a ce frisson incroyable, ce moment d'humanité, d'une salle complète qui, dès les premiers morceaux, à l'unisson, entame... commence à suivre le chanteur et chante du début à la fin jusqu'à sortir sur le boulevard des Capucines en chantant l'air Le Phare. Donc c'était incroyable, magique. C'est, voilà, c'est, je pense que c'est un des concerts qui m'a le plus ému de ces dernières années. Et donc pour les remercier, pour remercier les Têtes-Raides pour ces instants hors du temps et qui nous rapprochent tous, j'ai voulu tout de même vous passer le morceau qui s'appelle « Je chante ». L'opaline naissante d'une nuit déjà morte, offerte au passé. Les nuits balayeront les erreurs entassées. Dans le bas de nos ventres, à partir de maintenant, je chante. Le brûlant s'est levé et frappe à la porte de nos vies en chantier. Les éboueurs ébourront nos collectes classées, des trésors qu'on ignore. À partir de maintenant, je chante. À midi, c'est le sandwich aux terrasses des cafés, sur les champs épuisés. Et plus tard, c'est déjà une histoire encombrée dans les plis de nos rêves. À partir de maintenant, je chante. À 6 heures, le coiffeur taillera la colline. C'est du vent de gagner. On boira sans scrupule, pendu au crépuscule. On attend les fantômes. À partir de maintenant, je chante. Les lumières de la ville caressent les phobies de nos ombres esselées. Le métropolitain oubliera, c'est certain, les cloportes. À partir de maintenant, je chante. Dans 1 heure maintenant, on quittera le parking des frontières tracées. Dans le vent qui nous saoule, où l'on aperçoit les vagues qui nous roulent, puis on s'endormira. Comme les autres, à partir de maintenant, je chante. Bulle de rêve, bien sûr, ici sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Comme je le dis, et je vais le redire, parce qu'on est en début, même si on a eu quand même des émissions en août, la seule radio qui nous permet de parler 2 heures de cinéma d'animation et même un peu plus, et ça qui est bien. Donc voilà, heureusement que Radio Libertaire, on remerciera jamais assez de laisser cet espace de liberté. Antoine, tu voulais dire, donc ils sont nos deux invités, et on peut le dire, on l'a annoncé, j'ai demandé le Carrefour de l'animation, donc qui est l'un des rendez-vous sur l'animation qui a lieu à Paris, donc en décembre, sera autour donc de cette thématique j'aime tellement pas le dire, mais faut tant pis, maintenant tout le monde le dit, donc faut faire, ouais, c'est ça, à un moment donné, faut juste abandonner. Quand les cons gagnent, il faut rester, il faut aller avec eux, ou avec elles. Donc, la stop motion. et donc, le Carrefour de l'animation sera fait sur la stop motion, avec notamment, donc, Nicky Lynn Rosenbach qui sera là, et pas mal d'autres invités qui seront présents pour parler. Donc, en effet, cette espèce de, allez, pas renouveau, mais depuis une quinzaine d'années, on peut même remonter à 40 ans, avec Hardman et Wallace et Gromit, qui ont ramené quelque chose, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a toute une nouvelle génération depuis une dizaine d'années, allez, peut-être Emma de Sueff et quelques grands noms comme ça qui ont ramené, on va dire, un petit peu Nicky Lynn Rosenbach, cette idée du volume, en tout cas là aussi dans le court-métrage. Antoine. Oui, moi je voulais vous interroger un petit peu là-dessus, même si vous avez le droit de me répondre que vous n'avez absolument aucun avis sur la question. Mais d'ailleurs, Marie, tu peux aussi un petit peu répondre, parce que t'as touché à la stop-motion aussi. Et en fait, moi je me posais la question un petit peu de comment est-ce que vous voyez l'animation en stop-motion actuellement en France. France, sachant que effectivement il y a beaucoup d'événements qui sont organisés, on commence à en avoir un petit peu dans le court métrage à nouveau, mais ça reste juste, excuse-moi, mais c'est vrai que le festival de Rennes, c'est quelque chose fait maintenant tous les ans, une espèce de petit symposium, mais sur, comme il y a des grosses sociétés en Bretagne de stop motion et de volume, en effet chaque année il y a cette idée de où en est-on, combien y a-t-il de studios, de séries, de gens qui travaillent dans dans le chose, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui interroge énormément les gens de l'animation. Quoi. Mais on sait que ça reste des équipes assez restreintes, que c'est compliqué, par exemple, d'intégrer des équipes déjà de long métrage, parce que en fait, ça tourne en cercle fermé, parce que c'est les mêmes personnes qui travaillent en équipe depuis très très longtemps, et que c'est compliqué d'intégrer ces équipes qui sont déjà formées. Et du coup, je me demandais comment est-ce que, déjà vous, est-ce que vous travaillez sur vos films, vous avez tous les deux des équipes, donc comment ça s'est passé le recrutement? Est-ce que vous avez travaillé avec des gens qui étaient déjà expérimentés, ou est-ce que vous avez formé des gens avec vous? Peut-être, je sais pas. Je peux commencer? Oui, je peux commencer, ouais. Parce que sur À la mer poussière, c'était pas professionnel, et les gens que j'ai rencontrés, c'était par hasard. Ça s'est fait, c'était incroyable, c'était pas du tout des gens originaires de la stop-mo, voire de l'anime. Et sur Les Filles du Vent, c'était en sortant de l'école, du coup on était hébergés, comme tu l'as évoqué, à Vivement Lundi à Rennes, du coup plongé dans cet atelier qui se veut toujours à la pointe du perfectionnement de la stop-mo française, et du coup avec d'un coup tout ce qui se fait de mieux en termes de matériel et de possible. J'ai fait deux stages là-bas, alors j'ai un peu mis un œil dans ces équipes fermées qui sont, je dirais pas tant fermées parce qu'elles veulent pas accueillir des gens, mais plutôt parce qu'en fait il n'y a pas assez de projets, et ces gens, ils ont une vie, ils ont des familles, et je trouve que c'est normal qu'ils travaillent. Après, c'est effectivement un problème de financement des films à la source, que s'il y avait plus de films, il y aurait plus de studios et il y aurait plus de gens qui peuvent travailler dedans. Et c'est des gens qui, je trouve, en tout cas à Rennes, sont très à l'écoute et sont beaucoup dans la transmission. Enfin, moi, pour avoir été en stage avec eux, ils m'ont pas caché leur technique. Ils m'ont donné sur un plateau des choses qu'ils avaient cherchées pendant des années. Quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, peut-être pas à tous les postes, je sais pas, mais moi, notamment, j'ai fait des choses en tissu et des costumes. Voilà comment je fais. Et on m'a montré, et on m'a appris, et on m'a donné les clés. voilà comment c'était sur mes deux films. Et toi, Paul, et je vais rajouter une question par-dessus la question. C'est est-ce que du coup il y a aussi peut-être l'envie, s'il n'y a pas de place pour intégrer ces équipes, de créer quelque chose Il y a un truc que j'aimerais bien ajouter aussi par rapport à ce que disait Héloïse, c'est que, alors moi personnellement, il y a un truc que je comprends absolument pas par rapport à la stop-mo en France, c'est qu'on n'arrête pas de m'expliquer que c'est une technique qui est chère. À un moment, il y a un truc qui m'est arrivé, mais une bonne quinzaine de fois, quoi, depuis que je fais de l'animation, c'est d'avoir en face une personne qui me fait genre « Oh, la stop-mo, c'est cher et tout, t'as déjà produit ?» Non. Voilà, c'est vraiment un truc qui a été fréquent, que j'ai entendu beaucoup de fois, et j'arrive toujours pas à comprendre si c'est une technique, lorsqu'on apprend les budgets des films qui se font, que ce soit du court-métrage, de la série, du long-métrage, quand j'apprends les budgets, bizarrement, c'est les films les moins financés, quoi. Genre là, on a juste eu plusieurs longs-métrages, mais qui sont faits, qui étaient complètement fauchés, quoi. Qui sont faits avec des budgets, mais pour du long métrage, même pour du live, le truc, on les ferait pas, quoi. Et ensuite, on nous explique que c'est une technique chère. Et souvent, c'est des gens qui n'en font pas qui expliquent ça, des gens qui en font, genre Héloïse et moi, qui connaissent le métier, quoi. Enfin, qui connaissent pas le métier, mais on connaît un petit peu le truc, quoi. Un minimum, le prix que les choses coûtent. Et en fait, j'ai l'impression que ce qui se passe par rapport à la stop-mo et par rapport à, comme ce que disait Héloïse, il n'y a pas assez de projets. C'est juste une question de culture professionnelle, quoi. Faut juste se mettre en tête, mais ok, on pourrait le faire en 2D, pourquoi pas en 3D, pourquoi pas, bon, on pourrait essayer en stop-mo, quoi. Stop-mo, c'est pas cher, c'est chiant, c'est pas pareil. Après, les gens peuvent te dire, et je vais me faire un connard d'avocat du diable stupide, peuvent te dire, parce que c'est ce qui a changé tout, Frankenweenie par exemple à bas marché, peuvent te dire, les gens ont pas envie de voir. Ouais. J'ai dit que c'était con. Hein. Les gens veulent pas avoir du volume, veulent pas avoir des marionnettes. C'est un truc qui était bien dans les années 60-70. et que ça marche pas. Ça a pas marché parce que c'était réchauffé. Enfin, ça a pas marché parce que c'était pourri. Tous les films de Marvel sont quasiment réchauffés. Ouais. Et ça cartonne. Oui. Après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des questions de marketing et des trucs. Enfin, je sais pas, moi, Marvel, si je me réveille le matin, je prends mon café, on me dit tiens, t'as envie d'aller voir le Marvel. Ensuite, je prends mon croissant, on me dit tiens, t'as envie d'aller voir le Marvel. Je vais au chiot juste après. Ces toilettes sont sponsorisées par Marvel. Enfin, genre, hey, je vais aller voir Marvel, ça a l'air bien ce film. Donc, c'est pas. Il y a aussi des films qui sont plus marketés que d'autres. Et puis, vous pouvez me rétorquer, pardon, Paul, mais Ma vie de courgette a super bien marché. Ça a marché. Mais moi, je pense que c'est faux, hein, que les gens, ils ont pas envie de voir du volume. C'est pas du tout vrai. Enfin, il y a ce truc de nœud un peu qui est un peu en train de s'ouvrir. De les adultes pensent que c'est pour les enfants. Alors si on leur dit c'est un film pour adultes, ils vont ni y aller pour eux ni y aller pour emmener leurs enfants, comme ça a été avec J'ai perdu mon corps. Mais je trouve que quand même il y a une ouverture et je sais pas. Mais moi, quand mon film est passé sur France 2 et que j'ai eu des retours de gens random qu'ils appellent le dimanche soir à minuit. Ça m'a fait ok, ces gens ne font pas de l'anime, ne font rien, ils sont hors du milieu, et mon film de 12 minutes 30 les a touchés et d'un coup ils m'en parlent. Et donc, puisque c'est ça qui est intéressant, est-ce que finalement les gens qui vont être intéressés par la stop motion, le volume, les marionnettes, c'est finalement pas des producteurs ou des gens qui sont à l'extérieur de l'anime, et que finalement Paul, dans ce que tu disais, c'est peut-être aller voir des gens Dans du live, mais ouais, mais voilà. Non, mais parce que finalement, ouais. ça ressemble. Vous avez ce plaisir. Tu parlais d'acteur. Je regarde tel acteur dans Girl. Ah bah tiens, il va. Il y a une angoisse peut-être qui est aussi liée au fait qu'effectivement ça ressemble à du live, c'est-à-dire il y a un plan de travail à faire avant. Il y a. Mais en plus de ça, mais ça, tout d'aller bosser avec des. C'est vrai qu'on est. Un stop mo, c'est un truc qui est au final archi hybride, et même dans. Bah, tu vas bosser, tu vas avoir besoin d'un studio, il va te falloir une bijoute, il va te falloir des éclairages, etc. Donc, faut que tu aies des contacts avec un loueur. Alors, du coup, le problème, c'est que le loueur, ça coûte extrêmement cher, vu que c'est des tournages qui sont très longs. Ça veut dire qu'il va falloir que tu achètes le matos au début, mais ça veut dire que tu vas pouvoir le revendre à la fin. Donc, en fait, ça coûte peut-être pas si cher que ça. Et il y a pas mal de choses comme ça, des petits trucs à mettre en place. Et je comprends que ça puisse faire peur, mais je trouve qu'il y a aussi une forme de frilosité. Mais complètement, mais tu l'as dit toi-même, de toute façon les gens ont peur, les producteurs ont peur. Enfin, on dit que Marvel cartonne. Je suis pas sûr que les gens qui produisent Marvel regardent leurs films. C'est juste qu'ils savent qu'ils sont tranquilles, on se dit juste, et c'est même pas du cynisme, c'est juste, ah ben tiens, ça marche, on va en sortir un nouveau. Et je pense qu'entre gérer les budgets de gens-là et gérer le budget de Ma vie de courgette, je suis pas producteur, mais je pense que si les mecs se parlent, c'est même pas le même métier pour eux. C'est un truc, sont genre, hein, quoi, comment ça, tu. Parce qu'en fait, nous, on fait la défiscalisation dessus, tu sais, ah, d'accord, ok, c'est ça. Et donc, ce que disait Antoine, Paul, Dynamotion s'est créé, Angoulême, il y a des choses. Non, mais est-ce qu'il y a l'envie pour vous deux, pourquoi pas à terme, à un moment donné, pas maintenant, vous êtes jeune et vous allez pas, mais d'un seul coup de se dire, ben, allez, on va aller voir un prod qui fait de la prise de vue continue, ou de là, enfin, etc. On va dire, ben, moi, voilà, je t'explique. En fait, le film, il va coûter de temps. Et tu te rappelles Ma vie de courgette, il est passé à Cannes, il y avait Céline Sciamma dessus, enfin, ça va, c'était pas non plus n'importe quoi. Il y a ça, et moi, je vais t'amener un projet, tu vas voir. Qui va cartonner, on va aller à Cannes ensemble ou à Berlin. Non, mais est-ce qu'il y a cette. Ce que dit Antoine, c'est finalement sortir de toujours les vieux studios d'animation qui sont intéressants, aussi, mais qu'on a des vieux prods. Il y en a qui montent, mais enfin, il y a Foliascope qui se monte, mais c'est un type d'animation. Enfin, voilà, c'est très. Et c'est toujours. Ça vient toujours des mêmes personnes, tout ça. Là, oui, je parlais carrément. Ça reste jeunesse, ça reste. C'est ça. Marie. Ben, moi, ça me fait penser à Valérie Pierson et son film Pistache. Et après, elle est allée travailler à Partisan. Donc, je me dis, en effet, peut-être que c'est un chemin qui est envisageable. Et dans lequel il y a des possibles à explorer, quoi. Après, en fait, en stop-mo, le truc, c'est qu'actuellement, on a des professionnels, mais on n'a pas de profession. Et je pense que le truc qui pourrait faire le plus de bien à la stop-mo en ce moment, ce serait qu'on ait une grosse série pour enfants. Genre, limite du preschool, quoi. Genre, limite, j'ai envie qu'on fasse Peppa Pig en stop-mo en France, avec des équipes de 100 personnes, et comme ça, les gens se forment dessus. Il n'y a pas Kiwi ? Et bah ouais, il y a Kiwi, mais Kiwi c'est une toute petite équipe aussi, quoi. Exactement. C'est ce qu'il faudrait faire, ce serait avoir un truc. Bonjour le Monde aussi. Ouais, mais Bonjour le Monde, tu vois, c'est un truc, c'est un atelier qui a été. J'ai joué chez l'animateur sur Bonjour le Monde. Et à la fin, c'est un truc, c'était quand même un projet assez exceptionnel dans tous les trucs, soit dans la case, dans le. Donc. Non, ce qu'il faudrait, ce serait ouais, vraiment faire Peppa Pig en stop-mo, quoi. Comme ça, Il y a un métier qui se fait, voilà quoi. Donc qu'est-ce que t'es en train d'écrire Peppa Pig en... Bah non, pas du tout. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est juste que il faudrait qu'on ait une normalisation de ce taf en fait quoi. Je suis allé des cours à l'MK et à Estienne. Et c'est chaud, quoi, parce qu'il y a des gens qui viennent te voir et font genre, ah, j'aimerais bien faire la stop-mo et tout. Ah ouais, d'accord, cool. Mais tu comprends, j'ai un prêt à rembourser et tout. Est-ce que c'est pas un problème qui est finalement plus large et qui est un problème. Vous m'entendez toujours? Qui est un problème. C'est de la gymnastique en même temps, voilà, pardon. Non, qui est juste un problème. Et alors là, on va au-delà de la stop-motion, qui est juste un problème de peur et de toute façon, alors, de gros trucs qui se font et finalement de petites choses à côté d'indépendants et que les indépendants sont chacun de leur côté et que finalement on n'arrive pas à se remettre ensemble dans l'indépendance et sûrement le combat aujourd'hui avec tous les combats qu'il y a en dehors de ça, c'est le combat de l'indépendance éternellement, à savoir d'un seul coup de se battre en indépendant contre finalement les gros studios et les gros budgets. C'est Don Quichotte. Sacré projet. Mais oui. Mais après, le truc un peu difficile avec se monter entre nous, là, tu poses la question à deux personnes qui font de la réalisation, c'est... il faut des techniciens et des techniciennes pour faire de la stop-mo. Tu peux beaucoup plus difficilement faire ton film tout seul ou toute seule comme quelqu'un qui fait son film en 2D. Et comme... tu n'envisagerais pas une seule seconde de faire un film en live toute seule, je trouve qu'on a un regard beaucoup trop 2D sur la stop-mo et sur sa production, alors qu'il y a des choses qui paraissent évidentes au live et qu'on n'applique pas à la stop-mo parce qu'on regarde du point de vue 2D. Enfin, j'ai bien vu quand j'ai fait ressortir de l'école et qu'on avait les mêmes plannings et la même logique de prod pour les 2D et la stop-mo. C'était dur. Et donc on en revient un jour, il faudra que dans les écoles de prod, d'anime ou autre chose comme ça, on apprenne en effet les différentes et que finalement, ce qu'on a envie, qu'on supprime ce mot animation, qui ne veut strictement rien dire et qui est un peu agaçant, et que finalement vous vous retrouvez, vous, plus proche du live, ou plus proche du Muppet Show, enfin plus proche de Marionnette à fil, enfin avec des choses, et d'un seul coup, de réfléchir différemment, du théâtre, bien du évidemment. Décor, encore une fois, Jean-François Léguenis s'est mis aussi à ça, il voulait être d'abord décorateur de théâtre, et finalement, il arrive, comme toi, tu nous disais, Héloïse, finalement, t'es pas venu par le cinéma ou quoi, mais t'es venu par d'autres choses, et que finalement, réfléchir ça autrement, on va faire une pause. Antoine, à moins que tu avais une question, on va revenir là-dessus. Ça nous éviterait peut-être d'avoir sans cesse cette question. Mais pourquoi tu l'as fait en stop-mo et pas en 2D? Tellement d'accord avec toi. J'ai un peu envie de répondre. J'aurais pu faire une pièce de théâtre, j'aurais pu écrire un livre, j'aurais pu faire cette histoire autrement. J'aurais pu ouvrir un restaurant. Vous vous rendez compte, ce qui est intéressant avec ce qui vient d'être dit là par Héloïse, c'est que déjà, les gens souvent disent aux gens de l'animation, pourquoi tu l'as fait en animation ou pourquoi tu vas pas faire enfin un vrai film en live. Et donc, même, bien évidemment, comme dans tout, hein, on a beau croire, on a beau rêver que tout combat, tout le monde est soudé à l'intérêt, et ben même dans le monde de l'animation, les gens disent aux gens qui font du volume et de la stop motion, mais pourquoi tu l'as pas fait en 2D ou en 3D. Il y a un moment, c'est pas un combat, quoi, c'est juste une technique. Moi, j'ai pas envie que ce soit vu en mode genre, les vaillants de la stop motion, bon, non, c'est bon. Mais est-ce que tout n'est pas un combat? Le GIEC l'a dit, et même si la sonnette d'alarme avait été sonnée depuis les années 70 et même bien avant, nous allons toutes et tous dans le gouffre. Alors je propose de remettre au goût du jour la peste dansante, la manie dansante, comme selon la manière dont on a voulu l'appeler. Il y aurait eu plus d'une vingtaine en tout cas de cas entre 1200 et 1600, rien qu'en Europe, de peste dansante, l'une des plus connues, car bien documentée, celle de Strasbourg en 1518, en juillet de cette année. Là, une femme s'est soudain mise à danser dans la rue, une certaine Frau Trofea, selon les comptes rendus de l'époque, mais rien n'est sûr quant à l'identité de cette première personne. En une semaine, plus d'une trentaine de personnes l'avaient rejointe, selon les sources. Toujours la même chose, entre 50 et 400 personnes dansèrent pendant plusieurs semaines sans discontinuer jusqu'en septembre. Alors les autorités ont fait construire finalement, ils se sont dit on va pas les embêter, ils ont fait construire une scène, ils ont amené des musiciens pour accompagner ces gens qui dansaient, pensant qu'il valait mieux en effet que ces personnes s'épuisent plutôt que d'intervenir. Selon les sources, certaines personnes dansèrent jusqu'à la mort. Selon les sources, comme d'habitude, on n'en sait rien. Mais il n'y a rien de sûr. Alors, épidémie, stress dû à la famine, mouvement féministe avant l'heure, puisque la plupart étaient des femmes. Rébellion contre l'autorité, empoisonnement dû à la nourriture, avec des choses qui ressemblaient à du LSD visiblement dedans, ou des choses comme ça. Enfin, difficile aujourd'hui à dire, et rien dans les différents livres, articles écrits. Jean Tellet écrit un livre, par exemple, dessus, et plein d'autres sur le sujet, permettent d'affirmer quoi que ce soit. Et donc, pour essayer d'entamer cette révolution par l'énergie des corps, pour que la chair en mouvement, si elle ne peut nous sauver, au moins nous libère, j'essaierai à chaque émission d'enclencher cette révolution, en espérant vous voir nombreux devant le studio danser. Et je propose, pour commencer aujourd'hui, un extrait d'un concert du pianiste cubain Omar Sosa, enregistré en 2001 lors du festival Tempo Latina. Allez, je veux vous entendre danser chez vous. Facing, facing, face, facts, fools, spacks, who fled the train like games of jacks, matter, factory, in exact, my stumble, when I fumble and stumble, but never hesitate to relate this to you verbally, speaking with the freedom when I come, bringing the cherry gum, ever living next to the drum, and people speak them and moving forward, I gotta lead them like a leader, like a higher time, you wait, I take the door, bring back the style, speaker, we'll incroyable. J'adore ce truc. Je l'ai enregistré, en fait, pour tout vous dire, ça me vient d'une cassette audio que j'avais enregistrée sur France Inter. Une autre, voilà. Un truc. Radio concurrente. Un truc subventionné qui a beaucoup d'argent. Et qui fait, voilà. Et donc, c'est Fic faisant ça, qu'il y avait Bernard Lubat juste après, super batteur de Nougaro, etc. Super batteur de jazz, complètement, complètement fou. Et donc, j'ai juste cette partie de concert. Et comme quoi, Internet, c'est pas tout, on se doute bien. Et donc, j'ai recherché, avant-hier, je recherchais absolument tout le truc en me disant, mais il y a bien quelqu'un qui va avoir enregistré tout, je vais pouvoir récupérer. Et non, il y a absolument nulle part sur Internet, comme quoi, voilà. Plein de conneries, mais voilà, j'ai pas trouvé ça. Allez, on va faire un petit coup de pas un coup de pouce, parce que c'est absolument normal. Il y a des gens qui sont des gens qui ont obtenu une vraie, je sais pas comment dire, mais c'est vrai que je suis toujours impressionné par des personnes comme ça qui ont tenu dans des moments donnés où l'animation était à la fois peut-être plus simple à produire, mais à la fois aussi difficile parce que personne ne la regardait. Donc on va parler de la traversée de Florence Mirail. On a déjà passé l'interview que Nicolas Tisse, qui est en face de moi, et Marie-Pauline Mollaret avait fait à Annecy. On en a passé 25 minutes, on va entendre la fin. Je vous conseille d'écouter le début de cette interview qu'on mettra en entier de toute façon, mais je vous conseille de l'écouter. C'était l'émission de juin, si je ne dis pas de bêtises, ouais. Avec Rachel Goodgartz. De toute façon, il faut l'écouter parce qu'il y avait Rachel Goodgartz, elle était quand même passionnante. Donc voilà, donc réécoutez toute l'émission si vous ne l'avez pas écoutée. Nicolas, tu voulais nous dire un petit mot à propos justement, alors pas la traversée, vous nous en avez dit tout le bien que vous pensez, mais quelque chose autour de la traversée. Oui, c'est ça, plutôt autour de la traversée, c'est-à-dire la création par Cécile Noesser, qu'on connaît bien ici aussi, qui a travaillé à l'AFCA notamment, ouais. Et aussi chez Miu, et qui là se met en indépendante. Elle a créé une association qui s'appelle Fenakis. Et Fenakis organise des expositions itinérantes autour du cinéma d'animation, donc des expositions qu'on peut louer, qui peuvent se déplacer un petit peu partout. Et la première, vraiment, est faite autour de la traversée, avec des dessins notamment de Florence Mirail, enfin, des originaux qui peuvent être exposés. Et il y en a aussi d'autres qui sont organisés en même temps et qu'on peut donc louer, notamment autour de Robinson et compagnie, Samouni Road ou Roberto Catani par exemple. Alors, voilà. Ce qu'il faudra qu'elle fasse bientôt, parce qu'en fait, ils se sont plaints là à la fin, les gens de la stop motion, mais quand même, ça fait rêver tout le monde. Et c'est vrai que dès que vous mettez une exposition de Starevitch et dès que vous remontez, et tout le monde regarde, à chaque fois que je disais, quand j'étais prof, je disais aux étudiants, je disais, si vous faites un peu de stop motion, amenez vos trucs, parce que de toute façon, tous les profs et tous les gens vont être là, vont jouer avec, vont regarder, et vont pas. Et c'est même visible partout, hein. C'est-à-dire que même au Cartoon Forum, voilà. Au Cartoon Movie, quand vous avez des professionnels qui ramènent des marionnettes 10 cm, vous avez quand même tous les autres professionnels de la salle qui se déplacent pour les regarder aussi à la fin. Donc, pour prendre même photos, dans le milieu, ça fonctionne. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on va pas mourir. Ça marche toujours. Mais non, c'est une renaissance. Comme Renaud, le problème, c'est qu'après, il faut que les films soient faits. On l'a bien dit, voilà, il faut juste que les films, en effet, soient produits. Paul, cette imitation sera restée à vie. Un truc, ça sera comme tes deux premiers films. On écoute. Merci, heureusement qu'elle est là pour. Sinon, on ne pourrait pas arrêter Paul. Donc Nicolas, on écoute. Merci le quart d'heure de cette fin d'interview de Florence Mirail. De dureté qui est la réalité et en même temps qui est très adoucie parce qu'on a le point de vue du personnage. Comment vous avez réussi à articuler ça? Parce que le film raconte des choses qui sont très dures mais qui se passent beaucoup hors champ, qui sont très elliptiques et qui fait qu'en fait on peut regarder le film, enfin, je ne sais pas si vous avez réfléchi à une question de cible, mais on peut montrer le film à des pré-ados par exemple, oui. Ils ne vont pas être traumatisés ou je ne sais pas, c'est pas du tout un film qui est très dur et qui va être inconfortable à regarder. Au contraire, il y a vraiment une espèce de douceur pour accompagner ça sans l'édulcorer. Oui, on y a réfléchi en fait, mais on n'y a pas réfléchi en termes de cible, mais on s'était dit que c'était un film qui devait être tout public. Donc, mais je pense que c'est justement en jouant plus, ben avec l'animation, ça permet quand même de dire pas mal de choses sans être obligé. Enfin, voilà, filmer des jeunes enfants dans un tas d'ordures, c'est des jeunes enfants dans un tas d'ordures dans le film, c'est clair. Mais en même temps, c'est pas comme filmer en prise de vue réelle des jeunes enfants dans un tas d'ordures. Enfin, si on se souvient de Los Olvidados de Buñuel, c'est hyper dur, quoi. Mais enfin, c'est magnifique, hein. Du coup, les enfants, ils peuvent rentrer dans cette représentation-là, mais les adultes aussi, parce qu'ils ont toutes les références qu'il faut pour, pour, pour reconstituer un tas d'ordures. Enfin voilà, ça joue sur le symbolique aussi, ça joue sur le conte. Donc je pense que, mais ça, en jouant sur le conte, je pense, enfin sur le conte cruel, sur un conte à la Dickens, pas un conte de fées justement. Mais je pense qu'on y a réfléchi et que c'était, enfin on y a réfléchi. Ouais. Mais on n'a pas changé le scénario pour autant. On savait qu'on était sur beaucoup de choses qui pouvaient avoir deux interprétations, enfin, plusieurs niveaux d'interprétation, quoi. Comme Madame qui prostitue les filles qui sont dans le cirque. Et si on est adulte, ben c'est évident qu'elle prostitue les filles. Si on est enfant, ben non, mais tant pis. Et puis pareil pour les ogres. Enfin, les ogres de... Enfin, nous, on appelle ça les ogres, le chapitre des ogres, c'est le chapitre quand ils sont, ils sont vendus à des riches. Bon, mais c'est pareil, il y a peut-être une connotation aussi qui pourrait être très sexuelle. On l'a pas forcé, quoi. Mais voilà, si on a une lecture... Ou avec Yon, quoi. Quand il caresse la joue, des choses comme ça. Enfin, mais bon, après, on l'a pas forcé du tout. Mais on sait que les adultes, ils peuvent en avoir une interprétation. Et puis les jeunes... Bon, après, c'est pas pour les petits non plus. Hein. C'est collège, quoi, à partir du collège. Il y a... 11 ans. Oui, 10 ans, 10-11 ans, quoi. Il y a aussi un rapport très fort aux couleurs. On a l'impression que dans chaque séquence est vraiment marquée par une colorimétrie très particulière, justement, avec une évolution. Et comment, justement, cette évolution est pensée à travers le film, avec les couleurs? Et est-ce que, justement, c'est aussi peut-être pour donner une dimension un peu de conte, où on a cette impression, justement, de paysage très marqué et très fort par rapport à ça? Alors, effectivement, quand j'ai commencé, quand on a eu la première version dont on était contente du scénario avec Marie, j'ai fait tout un ruban sur un rouleau de tickets de caisse où j'ai, sans trop réfléchir, dessiné les scènes principales de chaque... Alors, déjà, le film, il était divisé en chapitres. Pour nous, c'était des chapitres. Alors bon, c'est pas resté, évidemment, on n'a pas marqué dans le film chapitre 1, chapitre 2, mais c'était vraiment des chapitres. Et donc, j'ai dessiné très rapidement tous les chapitres comme ça, avec des couleurs, à l'aquarelle, mais vraiment très vite, de façon à donner l'ensemble de... le souffle, le premier souffle comme ça du film. Et en fait, après, on a agrandi ce ruban. Enfin, il avait été agrandi pour une exposition à l'abbaye de Fontevraud. Donc on avait un ruban qui était comme ça, grand comme ça, et on l'avait accroché tout autour de la salle pour les décoratrices. Et ensuite on a fait plein de croquis pour indiquer aux décoratrices qui ensuite allaient prendre en charge les décors, pour indiquer les couleurs dans lesquelles ça allait se situer et tout ça avec la chef décoratrice et puis... Et Jean-Baptiste Pelletier aussi, qui était un de mes anciens élèves, qui avait travaillé comme stagiaire d'ailleurs sur le film bien avant. Et voilà. Et donc en fait, les décoratrices, quand elles sont arrivées, elles avaient vraiment ces couleurs. Et je voulais... voilà, chaque couleur était symbolique. Chaque chapitre, en fait, faisait un peu référence à un conte en particulier. Et du coup, chaque chapitre était un peu une symbolique du conte en question, enfin avec des couleurs très symboliques sur le conte, quoi. Et effectivement, puis il y avait les saisons, comme je disais. Donc on passait le premier chapitre, c'était le début de l'été. Ensuite on arrivait en ville avec l'été très très chaud, avec les garçons, les enfants des rues. Ensuite on était sur l'automne avec les ogres, et puis des couleurs très rouges pour vraiment sentir le côté sanglant, quoi, avec les tableaux de chasse et tout ça. Et donc tout ça, c'est voilà. Et après c'était l'hiver, donc l'hiver avec la forêt noire et blanche, et puis à nouveau le printemps dans le cirque, et à nouveau un été très chaud dans le camp à la fin, quoi. Donc voilà, tout ça, ça avait été. Et à chaque fois, on avait donné tout un... Pour chaque chapitre, on avait commencé à faire les décors et tout, enfin les esquisses, et quand on a fait les esquisses, on a choisi les couleurs qui devaient être utilisées par les décoratrices en priorité. Okay. Donc elles avaient une gamme de couleurs pour chaque chapitre. Vert véronèse, vert de vessie. Oui, toutes les nuances. Et Ah oui, moi je me posais aussi la question, comment est-ce que tu travailles avec, pour la musique et avec les musiciens? C'est-à-dire, est-ce que par exemple il y avait déjà une musique faite à l'animatique, lors de l'animatique? Est-ce que tout a été fait plutôt un petit peu après? Et comment est-ce que s'est passée la collaboration justement? Alors le compositeur, c'est un compositeur allemand. On s'est rencontrés très rapidement. Au début du processus de création du film. Et très vite il a fait des thèmes. Enfin, alors il y avait deux choses. Moi je voulais qu'il y ait une musique qui suive un peu, des thèmes qui suivent tout le film et qui soient un peu comme la musique qu'on emporte avec soi quand on part quelque part. On a forcément une comptine, quelque chose comme ça. Donc il a fait, c'était un peu aussi la musique de Lapi, qui revient comme ça, qui suit le récit. Et puis après, lui, il a écrit de la musique avec pas mal de thèmes, sur le thème du voyage, enfin ce qu'il imaginait, thème du voyage, de l'amitié, des choses comme ça, tout en gardant, il faudra en parler avec le compositeur, parce qu'il en parlera mieux que moi, mais tout en gardant effectivement ce fil conducteur qui était cette musique de notre enfance, quelque chose comme ça. Et puis, et ça, il l'a fait dès le début du film, donc on se voyait régulièrement, mais en même temps, j'étais tellement surchargée de travail que quand il amenait sa musique, j'arrivais pas à l'écouter avec... Il fallait déjà essayer d'avoir la vision de l'ensemble du film au niveau de l'image, et c'est vrai qu'à ce moment-là, la musique qui se rajoutait là-dessus, c'était pas le moment, quoi. C'était trop tôt. Mais c'était bien d'avoir quand même tout ça. Et en fait, on a retravaillé la musique au moment du montage. Alors j'ai eu deux monteuses, donc c'est avec la première monteuse, elle a plutôt travaillé avec moi sur l'animatique et pas mal le texte aussi, enfin de raccourcir. Et la deuxième monteuse, elle a travaillé là-dessus aussi, mais beaucoup sur justement le placement des musiques. Et en fait, tous ces thèmes qui avaient déjà été faits, on les a repris, remaniés, pas forcément mis à l'endroit où le musicien avait pensé les mettre, et raccourcis pour certains. Donc on a fait une maquette avec ses propres musiques, et qu'il a repris ensuite pour faire la musique finale, quoi. Et il y a juste le cirque, où c'est pas lui qui a fait la musique, parce que je pense qu'à un moment il a dit ça, mais... Que il n'était pas assez dans la musique. Enfin, pour moi, c'était la musique du cirque. Ça a été une musique, accordéon, quelque chose. Et lui, il se sentait pas de faire. Enfin, en tant que musicien allemand, il s'est pas senti de faire une belle musique d'accordéon. Donc, il avait essayé de faire quelque chose, et en fait, c'était pas très très satisfaisant. Puis à un moment, je lui dis, ah, mais oui, mais moi, je connais quand même. Un des plus grands accordéonistes français, c'est Marc Perron. Enfin, c'est accordéon diatonique. Et on a demandé à Marc Perron si on pouvait utiliser sa musique. Et il nous a donné l'autorisation d'utiliser sa musique pour le début du cirque et pour le numéro de cirque, parce qu'il fallait quelque chose de d'autre, on pense. Et donc pour le numéro de cirque lui-même, on a demandé à Manu Merlot, que Dora connaissait, musicien que Dora connaissait, de faire la musique du cirque, enfin du numéro, okay. Du numéro proprement dit. Moi, il y a une question que je voulais poser aussi, c'est le personnage justement qui était très impressionnant de Iskander. Comment est-ce que vous l'avez pensé? C'est quelqu'un qui revient régulièrement, on s'attend pas nécessairement à le revoir aussi, et c'est surtout quelqu'un qui est tout sauf manichéen, il est vraiment extrêmement complexe. Et il fait partie aussi de ces personnages qu'on a l'impression parfois de revoir, parce qu'il est fort tatoué, il y a la Baba Yaga qui est tatouée, il y a des personnages comme ça qui reviennent, on a l'impression qu'ils ont de la peinture jusque sur leur corps aussi. C'est assez beau justement cette chose-là. Et je me demandais comment vous avez travaillé par exemple ce personnage. Ah là là. Ah, c'est dur de savoir comment... Ouais, c'est avec Marie beaucoup, avec Marie, on travaille, bon, c'est difficile ensuite de savoir d'où viennent les choses, on travaille vraiment ensemble et tout ça. Je pense que c'est le... Je ne saurais pas comment dire ça, Mais en tout cas, c'était important, je pense que en tout cas, c'était important d'avoir des personnages qui ne soient pas, comme le dit aussi Madame, qui ne soient pas tout blanc, tout noir, quoi. Donc c'est un môme... on a imaginé un môme qui doit se démerder dans une situation qui est impossible pour un môme, quoi. Enfin, bon, c'est un adolescent, il est un peu plus âgé que Kiona, il a 16 ans, 17 ans, 17 ans peut-être. Mais bon, c'est un môme et il faut qu'il s'en sorte, quoi. Et donc, pour s'en sortir, bah, il fait ce qu'il peut pour s'en sortir. Donc, c'est vachement dur, quoi, parce qu'il est hyper séduisant. Enfin, il a la séduction des voyous un petit peu, hein. Et en même temps, ben voilà, et en même temps, il fait ce qu'il peut dans un monde où il devrait pas être à l'endroit où il est, quoi. Enfin, et puis c'était un peu, on avait des références, oui, des mineurs isolés, des enfants des favelas ou des c'était nos références comme ça. Et puis après les tatouages, au départ, comme on inventait un monde, on inventait un monde avec ses codes, avec puis il fallait deux trois peuples entre guillemets qui soient facilement reconnaissables. Donc il y avait effectivement les gens qui étaient tatoués, ils en parlent dès le début. Et puis ces peuples, en fait, qui migrent, mais qui vont tous dans la même direction. Enfin, ça aussi, c'est dit à un moment dans le film. On allait tous au même endroit, donc on se retrouvait tous quelque part. On finissait tous par se retrouver, sauf ceux qui avaient été... sauf ceux qui disparaissaient en chemin. Ce qui est hyper touchant avec le personnage d'Iskander, c'est que, en fait, ça dit sans appuyer, sans le dire vraiment, mais juste en voyant ce personnage, on comprend ce que... cette situation fait aux gens. Fait aux gens, oui. Voilà, oui. Le fait que il faut s'en sortir, faire du trafic, et là aussi, on sait très bien qu'il y a certains mineurs isolés maintenant, comment ils vivent. Donc ils trafiquent, ils font ils peuvent se prostituer, ils peuvent. Voilà, on en est... Voilà. Moi j'avais juste une dernière question, mais qui est vraiment. C'est les oiseaux. Parce qu'il y a des fils conducteurs, c'est les oiseaux qui apparaissent dès le début, il y a les corbeaux qui annoncent la catastrophe, et puis après il y a la pie qui vient l'aider, et quand ils sont chez les ogres, il y a les oiseaux qui les aident aussi, etc. Donc c'est vraiment comme ça, une sorte de Deus Ex Machina, les oiseaux, tout au long du film. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'animateurs qui ont un rapport particulier avec les oiseaux. Je crois qu'il y avait George Schwitzgebel, on a fait une rencontre, et c'était pareil. C'est les oiseaux, c'est deux coups de pinceau. Enfin, c'est très très agréable à animer. Alors il y a déjà ça, et puis moi je sais pas, j'avais une pie quand j'étais petite, donc... Et puis on avait besoin, c'est l'histoire, la pie c'est l'histoire du conte, enfin les oiseaux pour moi c'est le conte aussi, il y a quelque chose de très, de l'ordre du conte dans les oiseaux. Et c'est ce qui peut traverser la frontière facilement. Les corbeaux, ça vole, c'est libre, ça passe la frontière, symboliquement il y a quelque chose de fort dans les oiseaux. Et puis pareil, il y a plein de contes avec des hommes qui sont transformés en corbeaux, donc il y avait aussi ça dans les corbeaux. Parce qu'il y a les corbeaux qui annoncent la catastrophe, et puis il y a les petits corbeaux qui volent, quoi, qui sont... Mais ça faisait plus référence, effectivement, au conte de corbeaux, les sept corbeaux. Et puis les oiseaux de... à chaque fois, c'est des symboliques fortes sur les oiseaux. Et les oiseaux qui sont en cage, comme les enfants, enfin dans ces espèces de cages dorées, ces oiseaux exotiques qui sont dans la cage dorée, puis qui sont délivrés et qui permettent effectivement aux enfants de s'enfuir. Voilà, Paul vient de découvrir que quand Nicolas dit 10, c'est 10 secondes jusqu'à l'antenne, de manière à ce qu'on évite au même en bas âge de dire « Ouais, parce qu'il est vraiment con, lui. Ah oui, tu m'étonnes, etc. » Et qu'on nous entende par rapport à ça, ce qu'on ne fait pas tout le temps, c'est pas vrai. Je crois que je l'ai déjà dit lors de la dernière émission. Oui, ça, on peut le dire à l'antenne, en effet, il n'y a aucun problème de dire que Macron est con. Moi, je trouve qu'il fait de son mieux. Ah non, c'est vrai. Vous êtes pas cool. Alors... Je vais vous redire donc le nom, Paul Mass, M-A-S, vous pouvez l'envoyer des messages sur son Vimeo, il n'y a aucun problème. Je dis ça pour mes grands-parents, parce qu'ils aimaient énormément Macron, en fait. C'est ça qu'ils vont réécouter, ça. Dis-leur que Macron est un con. De quoi ? Vas-y, dis à tes grands-parents, c'est le moment. Je veux pas blesser leur sensibilité, et puis ils savent mais tu les adores. Que c'est un con, mais ouais, je les aime. Tu les aimes, mais tu peux leur dire qu'ils ont tort. Non, je vais les laisser avec leur... Alors, là, vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce qui se passe ? On est en avance. je crois que c'est... Alors, on a déjà été juste à l'heure, mais en avance. Je crois que c'est un moment... On est le 11 septembre. Je sais que c'est une date historique pour plein de choses. Au Chili, pour... Il y a eu un coup d'État au Chili. Il y a eu... il y a eu, en effet, quelque chose aux États-Unis. Et... C'est pile à moi avant mon anniversaire. C'est pile à moi. Donc voilà. Donc, c'est pile à moi. Donc on, le 11 septembre, maintenant, sont deux choses. C'est pile un mois avant l'anniversaire d'Héloïse Ferlet. Donc, merci beaucoup, Héloïse. D'abord, merci d'être venue. T'es pas, ça me fait très plaisir. Parce que t'es pas parisienne. Donc merci infiniment d'être déplacée, d'être venue. C'est quelque chose qui, pour nous, et en plus, c'est important d'avoir des gens qui viennent justement, pas juste du microcosme parisien, mais de sortir un petit peu de ça. Donc merci beaucoup à toi d'être venue, vraiment. Et voilà, et on a encore 5 minutes avant. Je peux dire que vas-y. Mes films ne sont pas en ligne, à part Les Filles du Vent, mais vous pouvez m'envoyer un message et je vous donnerai un lien. Ben voilà, donc vous pouvez en effet, donc sur son Vimeo, ou directement sur... Voilà. Ou aller en festival. Ou l'appeler à minuit, puisque visiblement elle nous a dit tout à l'heure que des gens l'appelaient à minuit pour lui dire, non, après la mer Boussière, pour lui dire c'était étonnant. C'était des messages. Donc voilà, donc elle est même prête à donner son numéro de téléphone pour que vous l'appeliez à minuit et lui dire, c'est trop génial, voilà, c'est absolument exceptionnel. Il nous reste 4 minutes, c'est l'émission avec de Bernard Payen qui arrive juste après, donc ils vont parler cinéma. Je ne sais pas s'ils vont parler de Drive My Car, mais vous savez, les journalistes aiment bien parler des films qui ne sont pas encore sortis pour vous faire. Nous, c'est un peu notre tristesse à chaque fois de vous parler de films des fois que vous ne pouvez pas voir, parce que voilà, on attend un petit peu, parce que c'est un petit peu, ce n'est pas drôle, Héloïse. Mais nous, on ne l'a pas vu, la traversée. Oui, oui. Non, mais c'est pire, c'est au niveau du cours, etc. On se retrouve dans un mois, a priori, mais on tient un petit peu, parce que c'est un peu bête de perdre des trucs. Non! On n'a pas demandé un truc super important. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Vas-y, réponds. Alors, deux minutes. Même pas. Non, bah alors qu'est-ce que je fais en ce moment? J'ai passé l'année dernière à écrire un projet de série qui s'appelle Club Michel, qui vient de ne pas avoir mon aide à l'écriture du CNC. Donc du coup, là, je me suis né jusqu'à lundi. Je suis né jusqu'à lundi pour arrêter de déprimer et puis réfléchir à comment lancer le projet. Donc là, pour l'instant, je déprime. Je suis dans mon salon, je gratte le cul de mon chat, je joue à PlayStation. c'est vraiment pas glorieux. Donc, c'est très content d'être là. C'est le Faya, c'est ça? Vous t'avez demandé? Ouais. Ok. Juste, t'es vraiment pas le seul, je peux pas dire. Mais il y a au moins deux personnes que je connais qui ont énormément de talent, dont une qui a eu un César, etc., et qui n'ont pas eu non plus le Faya. Je ne sais pas ce qui se passe, mais visiblement, il y a de plus en plus de dossiers au niveau du Faya. Les gens, ils ont écrit pendant le confinement. Oui, c'est ça. Ils sont tous. Non, mais c'est vrai. T'as raison. Donc le FAIA, pardon, c'est un fonds d'aide à l'innovation. L'innovation. Voilà. Retenez ce nom-là. Et donc voilà, donc le FAIA en tout cas. Et donc je comprends que tu déprimes, mais voilà, sache-le. Non, mais c'est pas vous êtes nombreux et j'essaie d'en faire un truc un peu bouddhiste, de me remettre en question, de voilà. Puis, mais le projet, je garde le projet, je vais réécrire, je vais voilà. Et je connais le projet par cœur, parce que on a quand même passé une heure. Enfin bon, on va pas tout raconter notre vie, donc je vous le raconterai la prochaine fois. Héloïse. Moi, j'ai rien envoyé à qui que ce soit d'officiel. T'as quand même quoi, un court métrage sous le coupe, un long métrage? Non, pas un long métrage, pas déconner. je réfléchis beaucoup à ce thème des sorcières et de leur chasse et de à quel point cette histoire ne fait pas partie de l'histoire des puissants et on l'apprend pas trop à l'école et c'est un peu à la mode, mais en même temps moi ça me parle carrément et du coup je réfléchis à ça et j'aimerais montrer des gens qui et des filles qui s'organisent ensemble et qui font des choses collectivement et qui vivent ensemble et construisent des maisons. Voilà, et du coup je galérais ces derniers mois à écrire et là j'ai bien réussi ces 3 derniers jours. Donc je suis sur l'inverse de la lancée de Paul, mais c'est pas grave, c'est fluctuant et je pense que ça va encore changer et que ça va prendre son temps, mais voilà le thème. En exclusivité sur Radio Libertaire. Merci beaucoup, Héloïse. Merci. T'as pas de micro à lâcher, mais. Mais on sait que c'est comme si ça avait été fait. Donc, merci beaucoup, Paul, Héloïse, d'être venu. Merci beaucoup à Antoine, Nicolas, à Marie, qui, je pense, a tellement aimé l'émission qu'elle va revenir tous les mois ou quasiment. Et donc, Nicolas, pour finir, parce que je tiens cette révolution par la danse, on va finir par. Et puis, comme ça va donner un pont avec l'émission juste après. On va écouter, allez. Un petit extrait du film Ex Machina et vous êtes prêts à danser aussi par rapport à par rapport à ça. On se retrouve dans un mois. However, you would not be wasting your time if you were dancing with her. Go ahead, dance with her. Dance with her. No? You don't like dancing? She does. Come on, buddy. After a long day of Turing tests, you gotta unwind. What were you doing with Ava? What? You tore up her picture. I'm gonna tear up the fucking dance floor, dude. Check it out. Fun. Make love until the morning comes. Get down to Saturday night. Gonna have